Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode numéro 2. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre boîte email à l'adresse suivante, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite, si vous le souhaitez, si vous aimez ce que l'on fait, à nous soutenir financièrement sur la base de dons exclusivement en crypto-monnaie, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum, Monero. Donc c'est une façon pour vous de peut-être de nous montrer que vous aimez bien ce qu'on fait ou que ce qu'on fait est utile. Bon, voilà, c'est une petite marque d'encouragement. On reçoit des montants, généralement des petits montants d'ailleurs, hein. Souvent c'est 10, 20 euros, 30 euros, il y a des donateurs beaucoup plus généreux aussi des fois, hein. Des fois on a des dons beaucoup plus significatifs. Alors effectivement, c'est pas toujours simple de manier les crypto-monnaies, a priori, mais en fait c'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Mais avec l'anecdote, entre guillemets, de la cagnotte du boxeur Christophe Dettinger, vous avez vu que, précisément, quand vous utilisez les circuits traditionnels pour recueillir de l'argent, que ce soit PayPal, que ce soit effectivement des cagnottes en ligne ou autre, bah vous voyez que quand le gouvernement français a décidé de s'occuper de ce que vous voulez faire, de veiller au grain, et ben ça va très vite, quoi. Donc, effectivement, la meilleure parade, ce sont les crypto-monnaies, donc non seulement si vous souhaitez soutenir nous, mais même pour vous. Si vous voulez lever des fonds pour vos initiatives, je vous invite à proposer cette option pour que de plus en plus de gens se familiarisent avec cette méthode de paiement. Voilà, voilà qui est dit. Je vous invite aussi à diffuser notre PDF, comme chaque semaine, c'est-à-dire la version hebdomadaire PDF de démocratie participative, par email. Hein, faites des listes de copains avec lesquels vous pouvez les partager. Voilà, enfin, c'est un moyen commode de lutter contre la censure et de la même façon pour le podcast. Hein. N'hésitez pas à faire une liste d'amis et à leur faire parvenir le contenu comme ça. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, je pense avoir fait le tour. Donc, je vais présenter nos participants de la semaine. Je vais commencer avec MacDav. Salut MacDav. Salut Gandalf. Salut les amis. Une bonne année qui s'annonce. Ouais, Astérix est aussi avec nous cette semaine. Salut Asté. Salut les gilets jaunes. Salut les amis. Bah écoute, bonne émission, hein, avec encore beaucoup d'actualités, beaucoup à dire. Espérons-le. Alexis est aussi avec nous cette semaine. Salut Alex. Salut Gandalf, salut à tout le monde. Fulbert depuis la Belgique, toujours avec nous, toujours présent. Salut Fulb. Bonjour Gandalf, bonjour à tout le monde. Derek est aussi avec nous cette semaine, comme toutes les semaines. Salut Derek. Salut Gandalf, salut à tous, salut les juifs. Et enfin, Captain America qui est aussi avec nous cette semaine. Salut Captain. Salut à tout le monde, désolé pour les futures peut-être déconnexions, les nègres se sont emparés de ma box via leur pratique chamaniste. Les djinns, les djinns. Tu veux être un djinn? Tu as un djinn dans ta connexion. En avant, Guingamp, pas en avant. Allez, en avant Guingamp quand même, hein. En avant les nègres. Toute façon, salut alors... Guingamp, qui a tout de même les premières équipes françaises à avoir battu le Paris Saint-Germain. Alors non, premièrement, on peut pas saluer Guingamp. Deuxièmement, équipe française. Alors, ça dépend comment on le comprend. Oui. J'aurais peut-être trollé à un moment donné, en fait, en disant que c'était vraiment une équipe française parce qu'elle était composée de nègres, mais je pense que je risque de me faire déborder sur ma droite en me disant que non, c'est bien une équipe bretonne parce qu'elle est composée exclusivement de nègres. Donc, je fais très attention. Mais non, on va pas quand même saluer Guingamp. On va pas tomber à ce niveau de... Non. Je sais que les choses vont mal, mais... On a des principes. Alors, les petits gars, rapide courrier des lecteurs, c'est pas vraiment un courrier des lecteurs, en fait, c'est une indication, et je me suis dit que j'allais la partager avec vous. Voici ce qu'on nous écrit à propos de, comment dirais-je, Hassani, vous vous rappelez, là, le Bilal Hassani, là, le travelo, qui va probablement être la personne qui va représenter la France à l'Eurovision. Vous vous rappelez de ça, on en a parlé la semaine dernière. Ouais, il est en finale d'ailleurs, dans les présélections. D'accord, oui, donc il va probablement être sélectionné. Alors, voici ce qu'on nous dit. Je voulais vous faire parvenir cette joyeuse information. Hassani est un pantin des Juifs. Bon, c'était ce qu'on avait plus ou moins dit, hein, de toute façon, mais on a plus d'infos. J'en veux pour preuve son amitié avec un certain Nemo Schiffman, fils de Guillaume. Fils de Guillaume Schiffman et lui-même fils de la youpine réalisatrice Suzanne Schiffman, née Klochendler. Voilà. C'est la liste de... des invités de l'annonce à Rebecca, ça ou... C'est ça. Donc, on nous précise bien qu'il évolue dans un milieu cachère, hein, le Bilal Hassani. Hein. Il a quand même une tête de chameau. Voilà. Donc, cette précision est apportée, donc je remercie. Cet auditeur de nous avoir éclairé sur ce petit point de détail, même si on le savait, hein, bon, c'est pas non plus. Voilà. Ouais. Petit point de détail, mais je vais juste dire un tout petit truc quand même sur ce point de détail, c'est que, en fait, les juifs sont homophobes, les musulmans sont homophobes, puis il y a tout un tas de choses qu'ils détestent. Mais il faut savoir qu'eux ont une vision communautaire avant tout, et qu'un PD. Juifs, enfin les musulmans, les arabes peut-être moins, parce que l'islam a une, on va dire, a une prétention universelle, qui en réalité, quand on se penche un peu sur le truc, on se rend compte que c'est quand même beaucoup de suprémacisme arabe dans l'islam, mais il a une prétention universelle. Mais chez les juifs, ils se prétendent homophobes, sauf qu'un homosexuel juif vaudra toujours mieux que vous. Donc un homosexuel juif, ils vont l'utiliser contre vous. C'est pour ça qu'ils utilisent toutes leurs détraqués sexuels. Ils les laissent jouer dans des films de cul, hein. Ils vont pas les sanctionner parce qu'ils savent très bien que les films de cul, ça va être ensuite distribué au goyim, ça va servir à faire. Donc en fait, ils se servent de leurs détraqués pour détruire les autres. Nous, on a une vision, trop morale en fait de l'homme, ce qui fait que quand on a un sous-homme chez nous, on n'a pas envie de qu'il se batte à nos côtés. On n'a pas envie d'en faire un. Mais en réalité, si on utilisait tous nos sous-hommes comme des tu proposes de militariser les dégénérés, en fait. C'est exactement ça, hein, parce que vous voyez, par exemple, les dégénérés de l'islam, les mecs qui ont 50 de QI, à qui il reste 3 dents et qui baissent des chèvres, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des massacres au Bataclan, ils vont faire des massacres je ne sais où. Tu vois, ils sont utilisés... Bon, en remarque, tu me diras, chez les musulmans, on se demande si c'est l'élite ou les dégénérés qui ont été utilisés, parce que 52 QI, c'est déjà, assez enviable dans cette communauté, quoi. Effectivement. Bon, en tout cas, il est entre de bonnes mains, donc tout laisse à penser qu'il risque, alors peut-être pas de gagner l'Eurovision, mais en tout cas, représenter la France, très certainement, la France qui va briller de mille feux, la France juive, hein. Personne d'autre là-dessus. Ça appelle pas spécialement de commentaires, hein, franchement, mais bon, voilà, je trouvais l'information intéressante. Donc. D'accord. Alors, rubrique numéro 1, autisme radical, les amis. Le rappeur qui avait été propulsé hors de l'anonymat par cette polémique a outrepassé les limites autorisées de la liberté d'expression dans ce genre singulier qu'est le rap, a estimé le procureur devant la chambre de la presse du tribunal correctionnel. Aux yeux du représentant de l'accusation, il n'y a pas d'élément de distanciation, c'est l'ensemble de l'œuvre qui est violente. Il y a bien une charge violente à l'encontre d'une population, identifiable et stigmatisée, en l'occurrence les Blancs, a-t-il assisté. Bon, comme quoi peut-être que les Blancs ça existe finalement. En septembre 2018, la diffusion de son clip ultra-violent PLB pour Pendez les Blancs avait enflammé les réseaux sociaux. D'abord très confidentiel, ce clip repéré par des personnes proches de l'extrême droite, ça c'est de notre faute, y voyant l'expression d'un racisme anti-blanc, avait suscité de nombreuses condamnations au sein du gouvernement et dans la classe politique. Après la diffusion du clip à l'audience, le rappeur de 35 ans, cravate, boucle d'oreille et bracelet au poignet, a défendu une œuvre revendicative. Certes réaliste, mais de fiction, truffé de références à des films comme American History X qui tentent d'expliquer l'origine du racisme et de l'extrémisme aux États-Unis, comprendre bien sûr l'extrémisme des Blancs, les Blancs étant consubstantiellement extrémistes. Voilà, les choses sont dites. Donc comme vous le voyez, hein, le parquet, donc le gouvernement a été extrêmement dur, hein, 5000 euros avec sursis, donc on lui demande 5000, 10000, 1 euro, ça change rien. Qui veut réagir là-dessus? Qui se sent de nous livrer un petit commentaire? Peut-être Captain America, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Personne en particulier? Si. Hein. Bon, ce que dit Captain, effectivement, est vrai. C'est-à-dire que bon, les Blancs existent au niveau juridique, les juges pourront difficilement l'ignorer maintenant. Hein, vu que ça a servi à condamner ce noir. Après, la condamnation en elle-même... Ce noir... ce nègre, excusez-moi. Voilà, non, mais je l'avais en photo, effectivement, parce qu'ils le décrivent. Alors, tu vois ce nègre avec des boucles d'oreilles, c'est un costume... bon, c'est propre, au secours, quoi. Le nègre habillé. Le sapeur, quoi. Ouais, le sapologue, c'est une discipline. Donc oui, ce nègre était condamné à 5000 euros avec sursis, autant dire qu'il était condamné à rien. Je pense que si nous, pour ce qu'on dit là, quelqu'un se fait attraper, il n'aura pas du sursis, hein, et puis ce ne sera pas de l'amende, ce sera de la prison. Quoi. Nous n'appelons à pendre personne, hein, précisons-le. Oui, oui, ni à pendre, ni à tuer, ni... Voilà. Ni à faire des faits de violence, ni quoi que ce soit. Hein. Jamais dans l'émission, voilà. On a appelé à commettre de la violence contre qui que ce soit, d'ailleurs. Hein, qui que ce soit. Exactement. Donc, c'est vrai mais que... par contre, lui, bon, pendre les Blancs, tuer-les, les bébés, aller les tuer dans les maternités. Il y avait des trucs comme ça, hein, si je me rappelle bien, c'était quand même assez costaud. C'était une violence inouïe. Ouais, ça passe. Et alors, ça passe d'autant plus que ça a été retenu dans le jugement là qu'il n'y a pas d'élément de distanciation, c'est-à-dire que c'est effectivement un appel au meurtre des Blancs. Et donc, un appel au meurtre des Blancs, ça ne mérite que 5000 euros avec sursis. C'est bien. Je pense. Oui, mais je rappelle quand même que c'est un artiste. Oui, c'est un nègre. Oui. Surtout. En fait. Comment dire, je pense qu'il y a déjà eu des condamnations pour racisme anti-blanc en France. Je crois qu'il y en a déjà eu. Mais je suis pas sûr. Faudrait vérifier. Je ne crois pas. Hein. Mais bon. Moi, j'ai eu des affaires de la griffe. Il y avait au moins une affaire comme ça. Mais. C'est anti-français. C'est la question. Ouais, c'est ça. C'est le truc anti-français. Parce qu'ils disent tu peux pas distinguer. Enfin, tu peux pas prêter des qualités ethniques aux Français, en fait. C'est ça qu'ils veulent dire, en fait. Ils veulent dire, un Français, c'est pas au terme de la loi. Donc, au terme de la... Enfin, qu'est-ce qui définit la qualité de Français, en fait? C'est une définition exclusivement administrative, et on va dire constitutionnelle. C'est-à-dire que c'est toute personne qui détient, en fait, la nationalité française, et ce n'est pas, comment dirais-je, cette nationalité n'est pas définie par des critères ethniques, raciaux, religieux ou autres, quoi. Donc en fait, ils jouent là-dessus pour dire, bah non, il n'y a pas de racisme anti-français, puisque les Français ne sont pas une race, il n'y a rien qui permet de prétendre que les Français pourraient être ciblés en raison d'une appartenance à une race, alors que non. Bon, évidemment, ils jouent sur les mots, on le sait, puisque quand les Arabes, quand les Bougnoules passent leur temps à menacer... les faces de craie, les séphrants, etc. Bon, bah, c'est évident qu'ils les identifient comme étant des Français de souche, c'est-à-dire des Blancs. Donc pour eux, quand ils disent Français, Français de souche, c'est la même chose. Mais ils jouent constamment sur ce double sens. Ouais. Voilà. Voilà, la peine symbolique. Bon, bah, enfin, en fait, voilà, c'est qu'en fait, c'était le... Comment dire? Le contenu du texte était tellement outrancier, et la vidéo était tellement... était conçue pour attirer l'attention et était quand même extrêmement agressive. C'était dit, on pouvait, enfin, les magistrats pouvaient difficilement prétendre qu'il n'y avait pas là, effectivement, un appel. Donc, en fait, ils ont convenu que... Il y avait un appel à la violence évident, hein, même le procureur, en tout cas le procureur ne le conteste pas, il n'a pas demandé la relaxe, mais bon, dans les peines qu'il requiert, c'est tellement anecdotique qu'on a bien compris qu'il n'y avait aucune évidemment volonté d'empêcher ce genre de comment dirais-je, d'appel à l'exécution des Blancs d'être prononcé. Donc voilà, donc en fait, bon, c'est complicité passive, disons, de la part des magistrats rouges. Mais ils ne pouvaient pas dire non, non, circuler, il n'y a rien à voir, parce que, veux dire, le clip, il a été accessible et visible par beaucoup de gens, pour beaucoup de gens. Donc il ne peut pas, il peut pas vraiment noyer le poisson, mais bon, voilà, c'est tout comme. Quelqu'un d'autre là-dessus ou on passe Ouais. Vas-y, Alex. Est-ce que vous vous souvenez de la petite, au moment du blocage de l'université de Tolbiac, là, une jeune étudiante qui était venue sur un plateau avec Robert Ménard et pour l'affronter, et qui avait dit que, oui, qui avait dit que le racisme anti-blanc n'existait pas. Alors là, vu que finalement on a considéré que Nick Conrad, malgré la légèreté de l'amende ou même l'absence d'amende, puisque c'est avec sursis, il était quand même reconnu coupable, alors y a-t-il un racisme anti-blanc? Je ne sais pas, elle va peut-être en conclure que puisque le racisme anti-blanc n'existe pas, Nick Conrad a été injustement persécuté par la justice, c'est bien la preuve que l'extrême droite est au pouvoir, l'extrême droite c'est des vacantistes, factieuses, etc. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Et d'un autre côté, les prisons étant déjà pleines, les juges ne vont quand même pas prendre sur eux de remplir les jardins zoologiques non plus. Hein. Non, mais c'est bien observé, Alex. C'est évident que l'extrême gauche l'interprète comme ça. Hein. Je veux dire, quand il y a ce genre de trucs qui se passe, une condamnation extrêmement symbolique comme ça, bah, l'extrême gauche, on la qualifie de plus en plus. Enfin, même les juifs la qualifient comme ça, ce qui est d'ailleurs fort de café de la part d'une race aussi tribaliste que la race juive, d'extrême gauche indigéniste. Subissant l'influence de Uria Buteja, des indigènes de la République, donc en fait une espèce d'extrême gauche halogène, on va dire ethniciste et suprémaciste, et pour le coup réellement colonialiste. Oui, ça traduit aussi ça. Je pense que ça c'est important, c'est aussi un. Mais c'est très clair que l'extrême gauche, pour eux, le mec est un martyr. Hein. Le nègre est un martyr dans cette affaire, hein. C'est clair. Hein. Pour eux, ça fait pas l'ombre d'un doute, quoi. Oui, bah, Tolbiac, ils avaient organisé des conférences non mixtes, c'est-à-dire des trucs où des négros, des arabes pouvaient venir comme ça participer. Alors, je pense qu'il y a la fac, on pouvait se participer au grand débat, mais les blancs étaient interdits. Alors du coup, il y a ce genre de choses qui se développent. Donc, je sais pas, c'est vrai que... D'ailleurs, Daniel Obono a apporté son soutien à ce type d'initiative, hein, donc de la France insoumise. Hein. Elle est gabonaise dans cette négresse. Oui, d'origine. Ouais. Là, j'ai un petit conseil cinématographique, mais vous allez voir le lien. Un film d'Antonioni, le cinéaste italien célèbre, fait paraître un film qui s'appelle Zabriskie Point en 1970, qui traite des événements de mai 68, peut-être qu'ils se sont à peu près, enfin, l'équivalent de mai 68 aux États-Unis à la même période. Et vous avez des discussions comme ça sur les réunions non mixtes, etc. Exactement les mêmes discussions qu'à l'extrême gauche aujourd'hui dans les facultés, c'est-à-dire il y a 50 ans, et ça n'a toujours pas évolué d'un pouce. Quoi. Et ça, c'est intéressant la première scène du film. La première scène du film, c'est ça, où il y a des étudiants discuter entre eux, et c'est exactement, on dirait, du Tolbiac 2018. Et ça n'a toujours pas avancé plus. Bon, bah on voit qu'ils sont à l'avant-garde, hein, à Tolbiac. Hein. Magdav. Ça radote. Oui, alors si, ça va créer une jurisprudence, même si on est d'accord, c'est que symbolique. Donc ça va vraiment donner l'occasion à ces sales gauchistes de se victimiser une fois de plus. Ouais. Ouais, ouais. Bon, les amis. En tout cas. C'était, ouais. Non, dernier petit truc. Les rappeurs sont pas si cons que ça quand même. Ils savent qu'il n'y a que les blancs qui achètent les CD. Par goût de l'objet et parce que mais c'est les arabes et les noirs sont n'achètent absolument pas des CD hein. donc ils savent qu'ils ne peuvent pas soutenir en public ce rappeur parce qu'il n'a reçu absolument aucun soutien d'aucun rappeur, je crois hein, si je me trompe que les gens nous le fassent savoir dans les commentaires, mais je crois qu'il y a aucun rappeur qui a même osé dire oh on a le droit au nom de la liberté d'expression. Ils ont tous fermé leur cul sur le cas de ce pathétique nègre des forêts. Non, il doit pas être des forêts, lui. Ça doit être un nègre des sables, ça, hein, je pense. Ah, je crois que c'est des forêts, il me semble que c'était un fils de diplomate, hein, je crois. Un fils de diplomate, ouais. Ouais, mais grands comme ça, dans les forêts, ils sont souvent petits et trapus, comme Dieudonné, un peu. Hein, et... ouais, Dieudonné est un demi breton, ne l'oublions pas. Tu sous-entends par là que les Bretons sont petits et trapus? Ce serait pas faux. Non, mais qu'apparemment, il y en a qui aiment s'accoupler avec des négresses. Je dis ça. Oui, bah si c'était que limité à la Bretagne, ça irait encore. Alors, les amis, rubrique numéro 2, c'est la rubrique Migrants de l'amour. Ah, j'ai une belle histoire pour vous, là. Saint-Étienne. Alors, dans le titre de la presse mainstream, là, je vais vous dire quel est le progrès. C'est le progrès qui parle. Oui, d'ailleurs, ça colle assez bien, c'est le progrès. Saint-Étienne, il s'exhibe dans le tram devant une jeune fille de 13 ans. Alors, vu comme ça, le titre, effectivement, on se dit, putain, enfin, Madame Michu, qui ouvre son progrès quotidien, parce que tous les matins, on progresse, quoi, dit, ah, oh, il y a un satire qui a montré, peut-être, des parties intimes à une jeune fille de 13 ans. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? On lit l'article, et je vais vous le lire. Et pas du tout. Pavi, c'est le nom de l'animal. Un grand black costaud de 30 ans, c'est tel quel dans l'article, hein, un grand black costaud de 30 ans est poursuivi pour exhibition sexuelle fin novembre dans le tram stéphanois. Sa victime est une toute jeune fille de 13 ans. Montée dans la rame à Château-Creux, l'homme s'est planté devant elle, la fixant durant tout le trajet. L'adolescente, constatant que le prévenu a sorti son sexe en érection, se réfugie à l'arrière du tram. Pavi descend à Centre 2, où il sera repéré. L'homme reconnaît les faits, mais se défausse. « Je n'ai pas compris pourquoi c'est arrivé comme ça. » Problème, il a été condamné à Paris en août 2018 pour des faits quasiment identiques. Il a écopé de 6 mois, mais avec sursis. On apprend au fil des débats que le prévenu est arrivé en France en 2011. Il a subi par le passé de graves difficultés dans son pays d'origine, le Congo, puis l'Angola. Alors, je ne sais pas duquel il est originaire. L'homme qui suit un lourd traitement psychiatrique, je fais une aparté, à vos frais, chers amis qui adorent payer des taxes et des impôts, je ferme la parenthèse, présente une pathologie sévère de schizophrénie. Le tribunal le condamne à 4 mois ferme et à un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans, j'ouvre la parenthèse à vos frais, bien évidemment. Voilà. Je referme la parenthèse, il reste en prison, ah bah non, je la réouvre, à vos frais, mes chers amis, et je la referme. Voilà. Je donne la parole, alors ça c'est une version moderne et française de Roméo et Juliette, voilà, c'est. Il est épris d'une jeune fille et. Il lui montre tout son affect, hein, je crois, on peut le dire. Qu'est-ce que vous voulez en dire ? Qui veut prendre la parole là sur le schizophrène en traitement lourd qui exhibe son sexe en érection à des gamines dans le tram ? Astérix. Bah, n'a-t-on plus le droit de draguer ? Enfin, c'est... Ça, c'est encore le féminisme. Féminisme. C'est ça, hein, putain. Attends, comment on va draguer une gonzesse hein, si on peut pas lui montrer son chibre en érection et lui mettre une grosse bifle Bon, elle a 13 ans, mais 13 ans, là-bas, c'est... elle aurait l'âge d'être déjà trois fois grand-mère. Hein, Oui, c'est ce brave gentleman africain était juste attiré par la jeunesse et la fraîcheur de cette jeune fille, c'est tout. C'est ça, tout à fait, oui, tout à fait. Alors, comme vous le voyez, première chose, déjà, il est arrivé en France en 2011, donc bon, on va revenir un peu à notre marotte, mais... Ouais, pourquoi, comment, moi, j'aimerais bien. Voilà, c'est ça. Quel est le projet? On nous dit il a connu de graves difficultés Congo-Angola. Alors, tu étais là, tu dis Congo-Angola. Et il arrive en France. Alors, j'ai quand même encore 2-3 notions de géographie. Et quand je regarde une map monde, entre le Congo et l'Angola et la France, le lien ne me paraît pas géographiquement évident de prime abord. Bon, c'est mon premier sentiment, hein. Bon. Il arrive en France en 2011. Bon, visiblement, alors première question, il n'a pas l'air d'avoir énormément contribué depuis son arrivée. Hein. J'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de valeur ajoutée là-dedans. Bah, si. Alors, mais la France s'enorgueillit beaucoup. Ah oui, bah, non, vas-y. Bah, c'est pas la première fois qu'il sort sa bite devant une nana. Quoi, oui. Donc, bah, il contribue. Quoi. Voilà. Ah oui, d'accord. Ça compte, c'est sa contribution. C'est un Victor Hugo, le seul problème c'est que son stylo c'est son énorme chiffre et qu'il écrit au foutre sur les joues de nos gamines, quoi. Oh, même moi je trouve ça, oui. Ah ouais, là même Derrick est choqué, quoi. Ouf. Bah, en même temps, si on est plus choqué par les propos d'Astérix que par les faits en eux-mêmes qui sont quand même bien pires que 2-3 mots d'Astérix, je sais pas. Bah, mais en fait, c'est juste un type qui n'avait pas de téléphone portable, qui avait envie d'envoyer des sextos avec des dick pics, et qui, faute de moyens techniques, l'a fait de visu, c'est tout. Moi, bon, je pense que c'est de l'art. Comme Lincoln Rapp tout à l'heure, c'est un artiste, en fait. Hein. C'est ah ouais, une performance. Et si c'était un pick-up artiste, en fait? Mais il y a des artistes contemporains qui font ça, c'est baiser dans des musées, etc. C'est soi-disant des performances, comme on dit. Ah voilà, un artiste incompris de l'Angola. Vas-y, vas-y. Non, j'allais dire que je suis donc le seul à y voir quand même un acte relativement raciste de la part de la justice française. Non, je suis assez d'accord avec toi, hein. J'y décèle aussi une forme de racisme structurel, hein. Ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'a priori, il y a tout l'imaginaire néocolonial derrière tout ça, hein, je veux dire, le nègre sauvage, incapable de maîtriser sa sexualité. C'est seulement ça, mais c'est-à-dire qu'on a qualifié ce nègre de schizophrène, atteint d'une pathologie sévère, alors que bon, c'est un état naturel, c'est un nègre, hein, il a un QI qui lui permet de respirer. Et puis de marcher en même temps, mais dès qu'il fait une troisième tâche, ça va pas, tu vois, il bug. Alors, pour ceux qui pensent que ce que tu dis est un trait d'humour, je rappelle que nous avons cité cette anecdote au sud de la France, où un nègre qui était monté sur une bouée sur une rivière avait oublié qu'il ne savait pas nager et s'est noyé. Donc, j'ai un peu... Quand tu dis qu'effectivement les types ne processent pas l'étape suivante, c'est pas du tout une blague. Bah oui, c'est-à-dire que ils peuvent traiter un flux d'informations qui est... Moi, je vais vous dire, le nègre, pour moi, c'est du 8-bit. Hein. C'est du 8-bit. Hein. Moi, je pense que on n'est pas... 3-4, beaucoup... c'est l'Atari, oui, c'est l'Atari vraiment... vraiment c'est l'Atari de l'humanité, ah oui. Parce que sur lequel était Alex Dangerous, là. Alexis. Oui, je demandais, est-ce que DSK pourrait avoir la nationalité congolaise, par conséquent, hein, Ah bah, il passe les tests, là, moi, je dis. Hein. Il passe les tests. Hein. Alors, bon, pour en revenir un petit peu, un peu plus sérieusement, comment dire, je l'ai un peu dit en filigrane, mais le coup d'un oiseau comme ça, pour le contribuable français, c'est juste exorbitant, parce que ce mec-là ne va pas être, expulsé, hein. Comprenez ça, hein. Ils disent, il a une trentaine d'années, hein, c'est spécifié, hein, dans l'article. Il a une trentaine d'années. Donc le type, il a vocation à rester en France 30, 40, 50 ans à peu près, hein. En traitement lourd tout le temps. Et le type ne peut pas bosser enfin, pour ainsi dire, oui, traitement lourd tout le temps, mais bon, ils vont, enfin, là, il est en prison, mais bon, ils vont le relâcher. Parce que bon, c'est quand ça. Même, non mais quand je dis traitement lourd, traitement lourd, c'est ça. C'est, il doit aller voir des docteurs et tout qui lui donnent oui, des. Oui, c'est-à-dire l'hôpital des de drogues. Jour, quoi, hein, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais attendez, un truc comme ça, il faut le nourrir, il faut le loger, il faut il l'encadre avec différentes assistantes sociales, etc. Bon, ça voilà, coûte une fortune. Ça coûte bah, une fortune. Ça, c'en est qu'un. Dis-tout bien qu'il y en a des centaines de milliers d'énèques comme ça. Ce n'est pas une exagération. Non, pas du tout. Bah, les hôpitaux psychiatriques en sont plein, des gens comme ça. Bah, pour faire tourner un noir, il faut quatre blancs, quoi, en gros. C'est un peu comme l'énergie aujourd'hui. T'as plein de mecs qui sont en train de remettre l'idéologie écolo à sa place, parce qu'en fait, ils disent qu'aller chercher le lithium, fabriquer de l'énergie, ça va coûter finalement plus cher en énergie que ce qu'on utilise aujourd'hui, quoi. Et ben, avec le noir, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut quatre blancs pour faire fonctionner un noir. Il faut un mec capable de le contrôler s'il se met à s'énerver. Il faut un gars, une psychologue capable de le raisonner, il faut un médecin capable de lui envoyer des vaccins et de la trithérapie, et il faut un flic, enfin bref. Je te trouve assez optimiste, hein. je serais plutôt autour de la dizaine, voire la quinzaine. Bah moi j'allais dire, peut-être, moi je pense qu'il faut 20 blancs pour un nègre. Hein. Ça dépend. Saluons le bon sens des Arabes qui ont compris qu'il fallait castrer les nègres pour les faire travailler. Oui, enfin, c'est-à-dire bah, surtout moi, pour pas qu'ils le prolifèrent. Le concept du nègre travailleur, on m'a dit, me paraît assez obscur. Hein. Bah, à coup de fouet, si, ça marche. Hein. Ouais. Bon, c'est pas très productif. Non, mais c'est pas productif maintenant qu'on a des machines. Enfin, par rapport à ce que voilà, ça coûte bah, en... oui. Par rapport à ce que ça coûte en bouffe, quand même, faudrait faire des études de coût, quoi. Parce que bon. Ouais. Le bénéfice ne m'a pas l'air très. Bah, en tout cas, sur ce client-là, le bénéfice, il n'existe pas du tout. C'est du déficit pur. Hein. Là, ouais. Là, c'est garanti. Voilà, bon, bah ça mais circule. Il faut qu'on s'en occupe, oui. Il faut qu'il y ait la prison, qu'il soit nourri et tout, parce qu'on sait jamais, il faut s'en occuper. Peut-être qu'un jour, des gens vont venir de l'espace pour nous acheter nos nègres qu'on a si bien entretenus. Hein, bah, ouais, oui, il faut, hein. La France. Les Juifs ont décidé que nous devions élever des nègres, c'est comme ça. Saint-Étienne, Saint-Étienne, ville ouvrière un petit peu grise, qui n'a pas de grande architecture, de grande cathédrale. Il faudrait le mettre dans un superbe village de France sur la Côte d'Azur, il s'en sentirait beaucoup mieux. Et c'est sans doute à cause de ça qu'à cause de Saint-Étienne qu'il a commis ce crime, hein, c'est sûr. Comme il a commis aussi à Paris, et à Paris il y avait une architecture qui était plutôt pas mal en fait. Ah mince, ouais. Le climat, ouais. Le climat à Paris, il est pas bien mieux qu'à Saint-Étienne. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il faut la mer. Ah oui, mais il faut l'aérer, l'air marin. Exact, la Bretagne. Petite chose sur l'âge de la jeune fille qui a été victime de ça, de cette obscénité. Elle a 13 ans et je crois que le monsieur de Molin, je crois, le procureur de la République, est favorable à l'abaissement du consentement sexuel à partir de 13 ans. C'est-à-dire, si elle avait accepté les avances à peine masquées de ce beau congoïde, et ben, ça aurait été légal en réalité. Hein. Je crois qu'on s'approche de la légalisation de ce genre de pratique. Ouais, bien. C'est bien. Chez les nègres, c'est compréhensible. Parce qu'ils ont une maturité sexuelle plus précoce que chez les blancs. C'est pour rien ne nous dit, en réalité, rien ne nous dit que la fille de 13 ans en question, c'est peut-être une négresse, hein. On ne sait pas, hein, en fait. Hein. On sait pas. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse, comme disait Frédéric Mitterrand. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, enfin bon, c'est bien d'avoir des gens comme ça en liberté en France, qui prennent des 4 mois de prison avec sursis, des 3 mois, qui sont traités, alors très efficacement traités, hein, vous le voyez, obligation de traitement pendant 3 ans, c'est comme si le mec, dans 3 ans, tu vois, miracle, il va sortir de sa négritude compulsive. Et à démultiplier par pratiquement le nombre de nègres. Hein. Ouais, c'est un puits sans fond. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que si tu tapes dans Google en anglais race et maladie mentale, tu as mais des dizaines et dizaines de pages sourcées avec des études sérieuses qui montrent que les nègres ont deux fois plus de chances au minimum d'avoir d'être victimes de schizophrénie ou de troubles mentaux. Et ils disent que c'est au minimum, puisqu'en fait, les blancs amènent plus souvent leurs proches lorsqu'ils sont, ils sont comment oui. dire, malades dans les hôpitaux psychiatriques. Donc en fait, ils sont, c'est deux fois plus, mais c'est certainement beaucoup plus. C'est sourd, c'est-à-dire que tu veux dire, en fait, oui, ils sont, les nègres sont sous-rapportés, mais même s'ils sont sous-rapportés, ils sont quand même deux fois plus nombreux. Exactement. Ouais, c'est ça. Les nègres seraient-ils mal foutus ? Je le crois, je le crois. Ouais, le mythe du nègre vaillant, costaud, ouais. bien musclé, oui, quoi. Oui, ça n'existe pas, vraiment. J'ai relancé ça en disant que le nègre était mal foutu, mais c'est vrai au niveau du physique. Ils sont pleins de maladies cardiaques, de trucs comme ça. Dès qu'ils ont 35-40 ans, voilà, y a des trucs qui commencent à péter dans tous les sens. Bah, faut dire qu'à ouais, force ouais. de dévorer les cœurs des pauvres albinos, voilà, quoi. Non mais ils ont plein de problèmes, hein. Ils ont plein de problèmes, t'y crois pas. Hein. Bah ouais, t'y crois pas. Hein. Thuram, il avait eu des trucs, là, juste quand il avait voulu signer, je sais plus si c'était à Paris ou quoi. Là. À Paris, ouais. Ils avaient découvert des malformations. Enfin, ils ont pas mal de problèmes de tuyauterie. Ouais, c'est ça. Bah, ouais. La drépanocytose, je crois que c'est en train de devenir l'une des principales maladies en France. Hein. Ah bah oui. Bah oui, bah la France c'est un pays africain, donc oui. Non, mais il me semble que c'est la première maladie génétique ouais. de France, hein. C'est de la folie. Charmante négraille, rubrique numéro 3, les amis, le droit tard de la semaine. Alors là, je vais vous mettre un petit rayon de soleil dans votre cœur, parce que bon, on a quand même parlé un peu de nègre là, ils nous ont montré ce qu'ils nous montrent d'habitude, bon, rien de nouveau, hein, mais on a envie quand même de voir quelque chose d'un peu plus joyeux, d'un peu plus jovial. Alors, cette semaine, le droit tard, c'est Ramzan Kadyrov, pour qui, je le dis, je voue un culte particulier. D'ailleurs, j'ai son portrait sur mon bureau. J'ai une petite photographie que j'ai mise sous verre de Ramzan, que j'affectionne beaucoup, qui pour moi est peut-être la seule lueur d'espoir dans le monde musulman, pour ainsi dire. Hein. Dans un monde de ténèbres, Ramzan était un petit peu une étoile. Et comme il est à la jonction de deux mondes, puisqu'il quand même il préside depuis le Caucase, qui est une région, d'abord c'est une très belle région, c'est magnifique le Caucase. Ensuite c'est une très ancienne région pour l'humanité, hein, foyer de peuplement très très ancien. À n'en pas douter, le fait que Ramzan brille de mille feux et nous propose un modèle alternatif n'est pas pour rien, n'est pas pour rien. Donc, qu'est-ce que nous dit la presse française à son sujet cette semaine? Eh ben, c'est CNews qui nous en dit le plus grand mal, ce qui quand même déjà est une indication. Voici ce qu'on nous dit. Alors, la police tchétchène demande aux parents de tuer leurs enfants gays. Depuis le mois de mars, les discriminations et les violences envers la communauté homosexuelle se multiplient en Tchétchénie. Après la révélation de camps de concentration par un journal local, des rescapés livrent leur version des faits et mettent en cause la police. Des survivants de la purge en Tchétchénie visant les homosexuels ont déclaré que la police locale demandait aux parents de tuer leurs enfants gays pour l'honneur, rapporte le site Pink News. Les autorités menaceraient les familles en leur disant « soit vous le faites, soit nous le faisons ». Un rescapé a expliqué qu'après avoir torturé un homme pendant deux semaines, les autorités ont convoqué ses parents et ses frères dans le camp et lui ont demandé de s'en occuper sous peine de le tuer eux-mêmes. « C'est notre famille, nous le ferons nous-mêmes », a raconté le témoin. Ils l'ont pris et l'ont tué dans la forêt, ils l'ont enterré là et il n'a même pas eu le droit à des funérailles. Le harcèlement de la communauté LGBT a toujours été monnaie courante en Tchétchénie, mais a jamais à ce point, a expliqué l'homme dont l'identité n'a pas été révélée. « Si je rentre chez moi, ma propre famille me tuera », a-t-il avoué. Fin avril, quatre autres prisons avaient été découvertes par les médias locaux, augmentant le nombre de ces camps à six. Le leader tchétchène Ramzan Kadyrov, dit le saint du Caucase, a nié à plusieurs reprises l'existence de ces camps. Une porte-parole du gouvernement a même déclaré qu'il était impossible d'emprisonner et harceler quelqu'un qui n'existe pas dans la République, sous-entendu qu'il n'y a pas d'homosexuels en Tchétchénie. Et ben voilà, encore un scandale monté de toutes pièces par les Juifs. La communauté internationale s'est mobilisée pour que Vladimir Poutine, alors notez bien la communauté internationale, pour que Vladimir Poutine mette fin à ces atrocités. La journaliste Cathy Kurich avait tenté d'aborder le sujet avec la porte-parole du ministère russe d'affaires étrangères qui lui avait répondu « Non, ce n'est pas mon problème, je ne suis pas une spécialiste, ce n'est pas mon domaine. » Réticente, elle a tout de même confié qu'une enquête était en cours, comme dans tout pays normal, mais n'a pas voulu donner plus d'informations. Alors, je crois que... Je suis assez d'accord avec ça. Alors d'abord, premièrement, avant de vous donner la parole, chers amis, d'abord, je tiens à souligner que nous avons affaire à une république, à la république, et qu'en république de Tchétchénie, les valeurs de la république sont défendues avec force. D'accord ? Elles sont défendues avec force. Et si effectivement, il est avéré qu'il n'existe pas d'homosexuels en Tchétchénie, c'est un fait, c'est une vérité. Je mets aussi un petit peu en doute les rapports qui sont faits dans ce sens-là. Et puis finalement, moi, bon, de toute façon, s'ils n'existent pas, il n'y a pas vraiment de débat, si on veut. Mais bon, imaginons qu'ils existent, ils n'existent plus. Donc voilà. Qui veut prendre la parole sur cette question précise, sur Ramzan Kadyrov, le saint du Caucase? Ah, moi, je veux bien réagir pour expliquer un peu, quand même, qui sont les victimes imaginaires, puisqu'elles n'existent pas, de ce brave Ramzan Kadyrov. Qu'est-ce qu'un gay? Sinon, un homosexuel qui se fait voir au grand jour. Puisqu'il n'y a aucun moyen de savoir qu'un homosexuel est homosexuel si il fait ses cochonneries discrètement. Faut pas imaginer que l'armée de Ramzan Kadyrov a du temps à perdre, à aller regarder par les serrures, le trou des serrures de chacun. Faut voir la tronche qu'ont les mecs, c'est pas leur genre, quoi. Eux, c'est des avaleurs de grand terrain, c'est des guerriers, ils sont là pour faire la guerre, ils sont même pas là pour regarder par le trou des serrures. Donc, en fait, les victimes imaginaires de ce brave Ramzan Kadyrov, si victime il devait y avoir un jour, victime réelle il devait y avoir un jour, ça ne serait rien d'autre que des fiottes provocatrices, hétérophobes, qui s'amusent à s'embrasser, à se tripoter devant des jeunes enfants qui doivent être bien éduqués. Et donc, on n'a pas là affaire à des homosexuels, on a affaire à des militants gays, des immondes fiottes qui font leur cochonnerie en public. Tu veux dire, nous avons affaire à des malades mentaux. Voilà, on a affaire à des malades mentaux. Donc, traiter les malades mentaux comme ils les traitent me semble... largement aussi sage que la manière dont on les traite ici, à savoir les foutre à l'Élysée ou les foutre. Je pense que la gestion de Kadyrov se défend. Oui, elle se défend, surtout que nous, on est plus occupés à remplir nos hôpitaux psychiatriques avec des nègres qui montrent leur sexe en érection à des petites filles. Donc, c'est vrai qu'on a peut-être. Pas non plus les moyens de nous intéresser à cette question, même si elle le mériterait. Je vois qu'Alexis a des choses à nous dire à propos de des valeurs républicaines défendues par Ramzan Kadyrov. Qu'est-ce que tu veux nous dire de soit de la Tchétchénie, soit du sujet en général? Ramzan Kadyrov, c'est sûr que c'est un brut de fonderie. Hein. C'est pas quelqu'un qui est fait dans la dentelle. Mais là, j'avais vu passer quelque chose sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, et là je pense avoir retrouvé la phrase. C'est un texte qui s'appelle « Interdire l'hétérosexualité ». Voilà, les relations entre hommes et femmes. Donc c'est quelque chose là qui a été publié sur Mediapart. C'est à l'organe officiel de la synagogue. C'est ça. Alors, oui, ça parce que Mediapart, c'est quand même Limon, Youpin, Arfi. Hein. Faut quand même le rappeler. Hein, qui est tellement noir qu'à côté, même les Sénégalais ont l'air d'être des Aryens. Faut quand même il a une tête de pruneau, ce mec. Alors, pour résumer ce texte, que je ne connais pas dans le détail, mais il me semble que la première et la dernière phrase, si vous voulez bien que je vous la lise. Première phrase, ça commence comme ça. Alors, attendu que l'hétérosexualité n'est pas une orientation sexuelle, mais un système de domination engendrant et se nourrissant du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie, de la biphobie et d'autres oppressions comme le racisme, le validisme ou le classisme. Je ne savais pas ce que c'était que le validisme. Oh, et pour terminer, la dernière phrase, pour montrer la profondeur de leur argumentation, attendu que l'hétérosexualité produit des BHL, bon c'est vrai que là c'est pas tout à fait faux, des Enthoven, des Yann Moix, des Quentin Girard, des Michel Onfray, des Luc Ferry, des Gilles Clavreul, des Le Pen, des Laurent Bouvet, des Éric Zemmour, des Pascal Proulx, des Cyril Hanouna et des Jean-Michel Blanquer. Et ça se termine comme ça, il est urgent d'interdire l'hétérosexualité. Donc, est-ce qu'il suggère d'ouvrir des camps pour les hétérosexuels ? Alors, est-ce que, en fait, ce brave homme voudrait interdire l'hétérosexualité chez les juifs ? Auquel cas, effectivement, nous pourrions trouver un terrain d'entente. Et pour sortir un petit peu de la frange déconnade, bon, je ne sais pas que je porte les Tchétchènes dans mon cœur ou pas, parce que faut pas oublier que. Tout autant qu'ils ne sont pas des bougnoules ou des nègres, ça reste quand même des populations qui sont vraiment très particulières, hein, tant du point de vue biologique que culturel. Et bon, en revanche, c'est très compliqué l'histoire du Caucase, c'est très intéressant aussi. Ce sont à la base des soufis, voilà, la version, pour ceux qui le savent, hein, un peu ésotérique, plus peaceful de l'islam. Mais ce sont aussi de très très grands guerriers qui ont toujours été confrontés à des empires, soit les envahissant, soit se servant de leur terrain comme base avancée. Et ils sont toujours rentrés en opposition avec les gens qui venaient en conquérant, comme les Afghans d'ailleurs. Et c'est pour ça que Kadyrov, c'est un personnage à tout à part, parce que déjà c'est le fils de l'ancien imam officiel de l'État, qui est mort dans un assassinat par des islamistes. Et ce qui est à voir dans le durcissement en fait de la Tchétchénie, c'est non seulement le fait qu'effectivement ces gens-là refusent de voir leur pays être corrompu par les mœurs, j'ai failli dire les mœurs occidentales, mais bon, les mœurs juives quoi, mais également le fait que Kadyrov est tenaillé, c'est-à-dire que dans son pays autour là, que ce soit bon en Tchétchénie, en Daghestan et ailleurs, il y avait eu une insurrection wahhabite, parce que même les bougnoules du Caucase soufis ont des problèmes avec ces enculés d'Arabie Saoudite quoi. Donc le Kadyrov là, il joue un jeu intéressant, un jeu dangereux. Et puis après, il y a à voir aussi avec le fait que Poutine, en 2024, va devoir renoncer, ne serait-ce que temporairement, au pouvoir. Que Kadyrov, lui est un féodé, véritablement. Il a véritablement une vraie loyauté de la part des Kadyrov envers Poutine. Et bah écoutez, moi, je me réjouis en fait de la présence de ce Kadyrov, tout simplement parce que si le foyer caucasien, en fait... devait devenir une base avancée des wahhabites avec ce qu'on pourrait avoir à craindre, c'est-à-dire des gens qui seraient aguerris, parce que là-bas des gens issus des montagnes qui sont aguerris au combat, qui n'ont pas peur de crever, et qui viendraient par la suite semer le trouble dans l'Europe, ça serait pas quelque chose de beau à voir. Donc la présence de ce Kadyrov à la main de fer, même si bien sûr on peut se dire oui mais les droits individuels, la liberté de la presse, machin, mes couilles, ouais ben écoute, oui. ça nous évite certainement d'avoir... Les droits de la presse, non mais c'est... Non, mais je dis ça comme ça en étant... Je prends une posture exprès un petit peu... D'accord. Un petit peu, d'accord. Voilà, tu vois. Non, parce que nous, on est quand même occupés, on va en parler dans la deuxième partie, mais on est quand même occupés justement à suspendre un peu cette idée bizarre de droit de la presse, donc... Non, je dis ça parce qu'en fait, il y a des gens qui, des fois, écoutant en nous disant, nous prennent au premier degré et n'arrivent pas déjà à voir quand on troll, ou alors nous imputent des propos qui sont vraiment orduriers, dans le sens où ils ne comprennent pas ce qu'on leur raconte. Donc ces gens-là font preuve non seulement de malhonnêteté, mais en plus de stupidité. Là, moi, je dis qu'effectivement, les gens qui ont une posture modérée et qui peuvent être amenés à nous écouter, si vous vous offusquez de Kadyrov, je vous promets que l'alternative sera bien pire, en fait. Oui, ça, c'est très certain. C'est-à-dire qu'il faut sortir un petit peu des caricatures au sujet de Ramzan Kadyrov. N'allez pas croire que cet homme est un islamiste fanatique. C'est un musulman du Caucase qui défend un modèle de société qui correspond à son peuple et à sa culture. Moi, je suis pas du tout, enfin, je pense qu'ici, c'est le cas de tout le monde, on n'est pas du tout dans une espèce d'évangélisme judéo-démocratique consistant à vouloir imposer la dégénérescence juive à la totalité de la planète. Moi, le rythme de vie des Tchétchènes dans leurs montagnes, ça ne me concerne pas, ils vivent au rythme qu'ils veulent, selon les coutumes qui sont les leurs. Et par ailleurs, j'observe que quand ils sont attaqués par les insanités hébraïques en provenance de l'Occident juif, bah, ils se défendent, et ils se défendent plutôt énergiquement, et ça me fait plutôt plaisir, parce que j'aimerais en fait voir le même type de résistance chez nous, tout simplement, voilà. Maintenant, il est musulman, bon, voilà, c'est bien son problème, d'ailleurs, à quel... Bon, enfin, c'est son problème, je m'en fiche totalement. C'est vrai que je veux pas voir de musulmans chez moi, mais chez eux, ils font bien ce qu'ils font. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais la Tchétchénie est un... Bon, faut savoir que les Tchétchènes sont quand même des mafieux en puissance, hein, faut savoir ça. Ils ont des réseaux crapuleux dans la Fédération de Russie, bien sûr. Ils sont connus pour ça. Et pas que. Mais il faut voir aussi à quel point l'Union européenne a essayé d'utiliser, enfin l'Union européenne, les Juifs, hein, ont essayé d'utiliser les Tchétchènes contre les Russes. Contre le gouvernement russe, hein. Il y a eu toute une série de réfugiés, on les a appelés oui, réfugiés politiques, oui. Réfugiés politiques, alors que tchétchènes qui sont des wahhabites forcés. Voilà. Voilà, exactement. Ça fait le lien avec ce que disait Captain, et tu as tout à fait raison, Derek. Ce sont des gens qui ont été pris en charge par des programmes de déstabilisation de la Russie qui étaient financés par l'Union européenne. Ils ont été accueillis en France en masse, et pas qu'en France, hein. Et enfin, ils ont été pris en charge de totalement, quoi, hein, logement, visa spécifique, etc. Dans l'espoir, en fait, de les réutiliser ensuite contre la Tchétchénie, ou plus exactement, de les mettre au pouvoir ensuite en Tchétchénie, et depuis la Tchétchénie, de cibler, en fait, le pouvoir central russe, quoi. Parce que justement, et ça fait aussi le lien avec ce que disait, Captain, c'est que les Tchétchènes sont quand même une race dure. C'est une race de combattants des montagnes, très durs. Ils sont très très communautaires, très déterminés. Et c'est des gens qui ont quand même montré à plusieurs reprises leur capacité à déstabiliser le pouvoir central russe. Donc évidemment, quand vous voulez détruire la Russie, et c'est l'objectif des Juifs, très clairement, hein, depuis Yeltsin, hein, l'objectif des Juifs. De la juiverie internationale et de démanteler la Russie. C'est l'objectif pratiquement revendiqué, d'ailleurs. Et avec des gens comme Khodorkovsky et toute une série d'autres, des oligarques, Boris Berezovsky, qui a été exécuté depuis. Exécuté, bon, suicidé, on sait pas trop, quoi. Bon. Ils espéraient bien utiliser, effectivement, le séparatisme tchétchène comme point de départ, mais qui avait vocation à s'étendre ensuite à tout le sud du Caucase, au Daghestan et au-delà, et ensuite d'entraîner dans la foulée les républiques musulmanes. Ouais, un petit peu comme ce qu'ils avaient fait en Géorgie, quoi, où le truc voilà. Était... Enfin, la Géorgie, c'est comment ça s'appelle ? Oui, c'est un golem. Non, mais ouais, c'est un oblast juif, hein, le truc. Hein. C'est ça, voilà, c'est ça. Et là, dans l'histoire de la Tchétchénie, comme dans l'histoire de ce qu'ils aimeraient faire dans la République centrale, il faut bien comprendre que les juifs se servent des islamistes et des djihadistes. Ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien l'avoir à l'esprit. Ceux qui pensent que les juifs ont un problème avec le djihadisme, non. Évidemment, ils ne veulent pas en avoir dans la banlieue de Tel Aviv, c'est tout à fait évident. Par contre, ils sont très à l'aise avec ces gens-là quand ils font leur sale boulot, alors que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, que ce soit en Europe ou que ce soit en Russie. Je veux dire, les juifs sont les grands spécialistes de ça. Donc, quand vous voyez des juifs hurler en disant « Mon Dieu, l'islamisme », etc., c'est de la propagande pour l'égoïme, hein. Ils ne fonctionnent pas du tout comme ça. Peu leur chaud que des pays entiers tombent entre les mains des djihadistes si ça fait leur miel. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus ? Oui, moi. T'as parfaitement raison, mais les juifs n'hésitent pas à comment dire, insérer dans des pays des homosexuels qui sont totalement aux antipodes des valeurs islamiques orthodoxes. Ils peuvent faire totalement l'inverse, ça ne leur pose aucun problème. C'est comment s'appelle-t-il, je crois qu'il est juif d'ailleurs, Gene Sharp, hein, qui était un peu, enfin qui est un politologue américain, qui a écrit un manuel qui disait très clairement, il expliquait, d'ailleurs ça s'est vu avec les groupes type Pussy Riot et compagnie, qu'il fallait promouvoir et développer les communautés LGBT et qu'elles serviraient dans les dites transitions démocratiques. Alors quand les transitions démocratiques ne marchent pas, ce qu'on appelle transition démocratique, c'est inféodation aux juifs. Quand ça ne marche pas, on utilise le versant opposé, qui est l'importation de bougnoules fanatisés. Totalement, totalement. On l'a bien vu en Syrie, hein. En Syrie, ils n'ont pas utilisé les homosexuels. Pourquoi ? Parce que c'était pas l'approche la plus évidente face à un régime quand même très très déterminé comme le régime de Bachar al-Assad. Donc ils ont utilisé des djihadistes. Mais en France ou dans d'autres pays, ils essayent la voie plus une forme de poison plus insidieuse. Comme tu l'as très bien expliqué, quoi. C'est l'effet est beaucoup plus lent, mais est tout aussi dissolvant, quoi. Mais c'est toujours la même chose, quoi. Donc c'est pas un hasard, hein, si Poutine met le paquet sur la lutte contre les PD, si Ramzan Kadyrov le met aussi, il sait très bien que ces gens-là représentent les recrues idéales de la cinquième colonne juive sur les terres de sa République. Ils savent très bien, voilà, c'est ce qu'on voit chez nous, enfin c'est ce qu'on voit en France. On le voit, je veux dire, maintenant, vous voyez bien, hein, quand ils veulent dénoncer quelqu'un, ils disent il est homophobe et antisémite, ou antisémite et homophobe. Hein, c'est les deux mots qui reviennent sans arrêt, hein, donc c'est tout à fait clair, quoi. De toute façon, regardez le gouvernement français, il est composé de quoi ? De juifs et de pédés, donc c'est simple. Bah, la communauté gay est totalement dans leurs mains, pour la bonne et simple raison, déjà, que les juifs sont à la tête de la pédocriminalité, et les homosexuels, passé un certain âge, deviennent tous, pas tous, on se comprend, mais... de nombreux homosexuels deviennent pédophiles en prenant de l'âge. Donc pour avoir des gamins, il faut qu'ils fassent copain-copain avec des juifs, surtout pour pas se faire attraper après. Je voulais juste dire un truc sur l'utilisation que les juifs font des islamistes radicaux, parce que comme tu le dis, ils n'en ont absolument rien à foutre de l'islamisme. Non seulement ils ne luttent pas contre, mais ils en sont les premiers promoteurs et pourvoyeurs. Et en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais, je crois, le racketeering, quoi. C'est-à-dire la stratégie de la mafia, du pompier pyromane, de la mafia qui vous envoie des gros bras pour foutre le bordel dans votre bar et qui ensuite vous envoie d'autres gros bras pour dire qu'ils vont faire la sécurité, en sachant que c'est sous la même direction que les gros bras viennent chez vous. Bah là, c'est pareil avec les islamistes, c'est-à-dire, par exemple, autour d'I. On voit que tous les gouvernements laïcs, tous les gouvernements comme Bachar al-Assad, Kadhafi, enfin tous les gouvernements qui pourraient ressembler à quelque chose d'estimable d'un point de vue européen ou d'un point de vue même laïque, la laïcité qu'ils essayent de nous vendre à toutes les sauces, en réalité, ils essayent de les défoncer à chaque fois pour faire monter des gros barbus assoiffés de sang. Parce qu'après, les barbus assoiffés de sang avec 62 QI, ils les maîtrisent... C'est pour eux enfantin tout ça, quoi. Alors que un vrai gouvernement intelligent, subtil comme celui de Bachar al-Assad, ça représente un danger. Donc les juifs sont les plus grands pourvoyeurs d'islamistes. Et franchement, les gros candoles de droite qui croient s'associer aux juifs pour lutter contre l'islamisme, c'est vraiment, je pense qu'ils font... Ils font partie de l'humanité la plus méprisable qui soit, quoi. Je pense qu'il n'y a pas pire que ces gars-là. Bah, le FMI, ce que raconte Poutine à Oliver Stone dans l'entretien, le FMI n'acceptait d'accorder un prêt à la Russie en 1999 ou 2000 qu'à condition que Poutine et le pouvoir russe laissent tomber la Tchétchénie et ce serait devenu du coup un foyer islamiste considérable, quoi. Donc, quand on dit oui, les mondialistes, les États-Unis, etc., luttent contre l'islamisme depuis le 11 septembre, enfin, vous entendez ça à la radio, c'est une fake news totale, il n'y a rien de plus faux. Effectivement, effectivement. Bon, ben, on voit qu'en tout cas, la Tchétchénie défend la santé de sa société et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, même si, enfin, excusez-moi, mais en l'espèce. Même s'il y a des fake news. Même s'il y a des faits. Ouais, parce que très franchement, le truc me paraît vraiment trop gros pour être vrai, quoi. Tu es un type qui sort de nulle part, on ne sait pas d'où, des camps soi-disant. Quand tu dis le mot camp de concentration, tu sais déjà qui a écrit le texte. Hein, voilà, et puis quand tu vois camp de concentration, Et puis un paragraphe plus loin, tu vois, communauté internationale s'indigne. Bon, bah là, tu bah, voilà. Ouais. Le coupable est tout, et tout de tout de fait tout désigné. Tout désigné. Hein. Bon. Faudra bon par contre, oui. Il faudrait attraper celui qui l'a écrit et voir s'il a pas un stylo de 2048 comme le fameux stylo Bic d'Anne Frank. Hein. Faudrait voir s'il a le stylo du futur. Non, mais c'est grotesque. Hein. Cette histoire est totalement grotesque. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas et qui ont lu le journal d'Anne Frank à l'école primaire ou au collège, plutôt au collège, je pense, sachez qu'il a été écrit avec un stylo Bic qui n'a été disponible sur le marché qu'après la guerre. Hein. Il a été inventé qu'après la guerre. Donc oui, effectivement, oui. Anne Frank, bah, écoute, c'est les miracles. Il est revenu d'entre les morts pour... Les miracles du judaïsme, oui. Les miracles du judaïsme. Non, mais parce que les gens ne le savent pas. Mais quand on fait des blagues, des private jokes comme ça, des blagues entre nous sur la marque Bic et en parlant d'Anne Frank, et les gens sont pas, peut-être ne le savent pas, mais on leur dit. C'est-à-dire que Anne Frank, qui est une des saintes bidons de la synagogue, est une escroquerie comme toutes les escroqueries du pseudo-holocauste hitlérien. Voilà. Alors, si vous ne le savez pas, le journal d'Anne Frank, le fameux journal d'Anne Frank, a été écrit avec un stylo Bic qui sera inventé après la guerre. Voilà, bon. C'est bon à savoir. Donc, ils ont peut-être un nouveau Bic pour écrire sur la Tchétchénie, je sais pas. Vas-y, Asté, ouais, je t'écoute. Non, j'allais dire. Est évidemment de l'antisémitisme. Ça signifierait quoi? Que les juifs ne sont pas capables d'écrire avec un stylo du futur? C'est ça qu'on sous-entend là? Avec un Bic 4 couleurs? Honteux! Scandaleux! On fait une pause musicale, les amis, on se retrouve tout de suite après. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode numéro 2. Alors, le premier sujet est un sujet d'histoire. Nous allons vers le passé. Retour vers le futur, peut-être. Et je le crois sincèrement. Nous allons aller vers l'Italie médiévale. L'Italie médiévale, l'Italie de la fin du XVe siècle, où des choses se passent. Les choses se passent, et les choses se passent au sujet de choses qui impliquent les Juifs, et qui sont rapportées ici et là, et qui, tout d'un coup, éclate au grand jour. C'est une histoire qui est oubliée aujourd'hui, malheureusement. Et c'est aussi pour cela qu'à Démocratie Participative, nous avons voulu en reparler, la faire connaître à tous nos auditeurs. C'est bien évidemment, je dis bien évidemment parce que ça tombe sous le sens selon moi, c'est l'histoire d'un crime rituel juif ayant coûté la vie à un enfant, un très jeune enfant, dans l'Italie médiévale, et vous allez découvrir cette histoire avec nous. Donc, plongez-vous dans cette Italie médiévale. Voilà, nous sommes à la fin du XVe siècle, nous y sommes. Et nos participants, nos démocrates participatifs ici présents, Derrick, Captain America, tous les autres, McDave, Fulbert, vont avec moi parcourir cette histoire absolument sinistre et lugubre qui ferait frémir n'importe quel être de chair et de sang non juif. Alors, c'est en fait un article historique qui provient de La Sapinière, qui est un site d'information catholique, mais qui n'a pas produit le contenu en lui-même, qui s'est simplement contenté de le reproduire. En fait, la source originale, c'est Israël Shamir, qui est un auteur juif, qui lui-même a compulsé l'œuvre du docteur Toaf, qui est juif, et qui est le fils du grand rabbin de Rome, et qui a écrit sur le thème des crimes rituel juif commis contre les enfants chrétiens d'Europe. Alors, je vous livre cet article et nous allons le parcourir ensemble avec nos participants, bien sûr. Le docteur Toaf est le fils du grand rabbin de Rome. Il est professeur à l'université juive de Bar Ilan, non loin de Tel Aviv. Il s'est fait un nom par ses études pénétrantes sur la juiverie médiévale. C'est en poursuivant ses recherches dans ce domaine qu'il découvrit que les communautés juives ashkénazes vivant dans le nord de l'Italie pratiquaient une forme particulièrement horrible de sacrifice humain. En effet, leurs sages et leurs adeptes kidnappaient et crucifiaient des bébés chrétiens dont ils utilisaient le sang au cours de rituels magiques invoquant l'esprit de vengeance contre les goïms oni. Les goïms étant les non-juifs, les blancs. Je cite, là, on rentre dans le cœur de l'histoire, hein, le texte d'Israël Shamir. Il s'est en particulier intéressé au cas de Saint Simonetto de Trente. Ce bébé âgé de 2 ans, originaire de la ville italienne de Trente, fut kidnappé chez lui par une poignée de juifs ashkénazes à la veille de la Pâque de l'an 1475. Donc nous sommes en 1475. Voilà, nous approchons de la Pâque. Les chrétiens vont vers le moment le plus important de l'année pour eux. Et donc les Italiens sont dans ce moment spirituel-là. La nuit suivante, les kidnappeurs assassinèrent l'enfant. Le Seigneur lui transpercèrent le corps avec des aiguilles et le crucifièrent la tête en bas, aux invocations suivantes. Puissent tous les chrétiens périr, qu'ils se trouvent sur terre ou en mer. Le Betorata. C'est ainsi qu'ils célébraient leur Pâques, un rituel archaïque consistant à faire couler le sang et à tuer des bébés au sens le plus littéral du terme « tuer », sans nul recours à la transsubstantiation du sang en vin, c'est-à-dire de la messe, l'Eucharistie. Au XVe siècle, les Juifs étaient certes influents, mais ils n'étaient pas encore tout-puissants. Ils ne pouvaient pas se jouer du monde entier comme ils le firent. Ultérieurement. Le pape Sixte VI réunit une commission de 6 cardinaux présidée par le meilleur juriste de l'époque et lui confia le rejugement de cette affaire, car il y avait eu un premier jugement avec condamnation. Et même cette cour suprême trouva les assassins, les juifs, coupables. Les minutes du procès ont survécu au siècle et on peut les consulter de nos jours au Vatican. Les juifs, toujours en alerte, profitèrent, donc ça c'est après les faits et c'est à notre époque. Les juifs toujours en alerte profitèrent de cette opportunité pour pousser les évêques à décanoniser Saint Simon de Trente, c'est-à-dire ce bébé sacrifié par les juifs. Les évêques furent bien trop heureux d'une telle aubaine. Déjà, au cours d'un rituel bizarre, les dirigeants de l'église catholique avaient trouvé les hébreux innocents de la crucifixion du Christ. Alors ça, ça a été la relecture, hein. Tout en reconnaissant la faute de l'Église dans la persécution des Juifs. En comparaison avec une volte-face au magistral, la crucifixion d'un bambin italien n'était que de la petite bière, vous l'imaginez aisément. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, les évêques décidèrent donc, au XXe siècle, que les aveux des assassins n'étaient pas recevables, car ils auraient été obtenus sous la torture, et ainsi les accusés furent innocentés, le jeune martyr étant quant à lui tout simplement passé par pertes et profits. Il fut mis un terme à son culte, qui fut prestement interdit, et les recultes de l'enfant et les reliques de l'enfant martyrisé furent retirées de l'église où elles reposaient, et jetées en un lieu secret afin d'éviter toute reprise intempestive d'éventuels pèlerinages. Les juifs, effectivement dans l'ombre, s'étant emparé du contrôle de l'Église catholique, avait entrepris d'effacer le culte envers ce jeune saint. Mais revenons au docteur Ariel Toaf, nous dit Israël Shamir. En étudiant les archives du procès, celui-ci a fait une découverte stupéfiante. Bien loin d'avoir été dictée par des investigateurs zélés recourant à la torture, les confessions des assassins du petit Simon contenait des éléments totalement inconnus des hommes d'église ou des gendarmes italiens de l'époque. Les assassins appartenaient à la petite communauté ashkénaze attardée. Ils pratiquaient des rites qui leur étaient propres, très différents de ceux d'autres juifs italiens autochtones. Ces rites ont été fidèlement décrits dans leurs dépositions. Or, ils étaient totalement inconnus de la brigade criminelle de l'époque. Je cite, « Ces formules liturgiques en hébreu, à la tonalité violemment antichrétienne, ne sauraient être les projections de juges qui n'auraient en aucun cas pu connaître ces prières n'appartenant à aucun rituel des juifs italiens de l'époque, mais à la tradition ashkénaze des juifs d'Europe de l'Est », écrit Toaf. Le lettré Ariel Toaf, docteur de l'université, a remis Saint-Simon à l'ordre du jour. Oui, lui. Saint-Simon, ce bébé victime à double titre, victime de la vengeance au XVe siècle des Juifs et victime de la perestroïka vaticanesque au XXe siècle, toujours en faveur des Juifs. Le crime perpétré à Trente n'était nullement une exception. Toaf a découvert de nombreux autres cas de ces sacrifices sanglants, dans lesquels il est fait état d'enfants mutilés dont le sang versé fut utilisé dans la confection de rastzot, de pain azim, leur occurrence s'étendant sur plus de 5 siècles d'histoire européenne. Des commerçants juifs en faisaient le commerce, accompagnés d'attestations rabbiniques en autorisant la vente. Le produit le plus prisé et le plus cher était le sang d'un goy katan, c'est-à-dire d'un enfant non-juif. Les vendeurs ordinaires proposaient quant à eux simplement du sang provenant d'une circoncision, moins prisé. Ces sacrifices sanglants étaient des actions et des réactions instinctives, viscérales, virulentes, au cours desquelles, je cite Toaf, des enfants ne comprenant rien à ce qui leur arrivait, devenaient des victimes innocentes de l'amour de Dieu et de la vengeance. Leur sang baignait les autels d'un dieu qui, en l'occurrence Yahvé, croyait-on, avait besoin d'être guidé, et probablement était-ce même Moloch, et parfois même d'être poussé impatiemment, selon les cas, soit à protéger, soit à punir. Cette remarque, quelque peu hermétique, est plus facile à comprendre si on lit l'ouvrage du professeur Israël Yuval, là c'est Israël Shamir qui s'exprime, « Deux nations dans ton sein ». Yuval y explique que les libations de sang étaient nécessaires aux yeux des magiciens juifs, si l'on voulait amener la vengeance divine sur les goïms. Toaf surpasse Yuval en mettant l'accent sur le recours habituel des juifs au sang humain au Moyen-Âge, et à des fins de magie et en faisant place à l'élément antichrétien. La crucifixion des victimes et les vociférations contre le Christ et la Vierge Marie. À ce sujet, son ouvrage est confirmé par le livre, certes plus timide, d'Eliot Horowitz, « Des rites sans foi ni loi, Pourim et le legs de la violence juive ». Horowitz y informe ses lecteurs au sujet de rituels fort étranges, flagellation de la Vierge Marie, destruction de crucifix, passage à tabac et assassinat de chrétiens. Voilà. Alors, chers participants, chers démocrates participatifs, nous avons là parlé d'un sujet lourd qui part donc de l'assassinat de ce petit Simon, Simonetto, hein, le petit Simon à Trente, à la fin du XVe siècle, et qui va permettre à Toaf, donc cet historien juif qui est le petit-fils du rabbin de Rome, d'écrire son livre Pâques de sang, qui va livrer, dont ce qu'on a lu est un extrait, qui va livrer la lumière en fait sur les agissements de groupes occultes juifs contre les goïms, contre lesquels ils ont une soif de revanche absolue. Qui veut me dire juste sur ce qu'on a dit là quelque chose, ou rajouter peut-être d'autres exemples de crimes rituels juifs? Ah écoute, je veux bien, donc je ne fais que citer un juif, à savoir Ariel Toaf. Donc là, on est fin 15e siècle également, mais en Allemagne. Donc lors de leur procès, en 1470, Elias et Merklin, morts d'oreille, deux des frères accusés du terrible homicide collectif d'Endingen en Alsace, tentèrent également, mais en vain, de tourner autour du pot devant les exigences des inquisiteurs qui cherchaient à faire le point sur l'utilisation du sang d'enfants chrétiens par les juifs. Ce sang était également utilisé pour ses merveilleuses propriétés balsamiques, bénéfiques pour guérir l'épilepsie, éliminer l'odeur corporelle dégoûtante des juifs. Mais finalement, ils ont tous deux admis avoir utilisé le liquide curatif magique pour guérir les plaies de la circoncision de leur fils. Léon de Modène, le célèbre rabbin de Venise, dans sa classique Histoire des juifs en Italie. Donc, Léon de Modène, c'est quelqu'un qui est effectivement rabbin de Venise, mais qui a, tout comme Toaf, écrit sur l'histoire des juifs. C'est à la fois un historien et un rabbin, donc du début du XVIIe siècle. Écrit le moël. Donc, le moël, c'est le matériel de circoncision, donc de la fameuse Berit Mila, la cérémonie de circoncision des jeunes juifs. Le moël arrive avec une assiette sur laquelle se trouvent les instruments et les accessoires nécessaires, comme le rasoir, les poudres astringentes, donc qui tiennent du sang de goy, du sang de jeunes enfants goy, les instruments et les accessoires nécessaires, voilà, les morceaux de pansement, blablabla, dans lequel placer le prépuce qui est coupé. Le moelle poursuit et avec la bouche aspire deux ou trois fois le sang qui coule de la blessure et le crache dans un verre de vin, après quoi il place le sang, de la poudre de corail et des choses qui adhèrent et un morceau de pansement trempé dans l'huile de rose sur la plaie, le serre et le fixe fermement. Il prend alors un verre de vin et baigne la bouche de l'enfant avec le vin dans lequel il a craché le sang aspiré. Je sais évidemment citer un juif. Oui. Oui, oui, c'est très important à souligner, c'est une source juive. Je continue. Le livre de d'Ariel Toaf, et je ne l'ai fait que le parcourir, parce que c'est sourcé. C'est un livre d'historien érudit. Vraiment, c'est quelqu'un qui connaît très très bien son sujet. Et la période ne couvre pas uniquement la fin du XVe siècle et celle du procès de Trente. C'est beaucoup plus large. Donc là, il émet un doute sur, on va dire, non pas la véracité de ces crimes juifs, mais pour Toaf, en fait, les Italiens n'étaient pas si antisémites que ça. C'est ce qui expliquerait pourquoi la Sainte Inquisition ait fait des recherches très poussées, très précises, très sérieuses sur ces fameux crimes rituels juifs. Et ce tribunal est remonté très très loin, a fait vraiment un travail d'investigation très sérieux, et remonter à certaines sources. Voilà ce que dit Toaf. Peut-être que la crainte largement répandue selon laquelle les Juifs complotaient dans le but d'enlever des enfants, leur infligeant des rituels criés cruels, précède même l'apparition du meurtre rituel stéréotypé, dont les origines pourraient bien remonter au XIIe siècle. Quant à moi, je crois qu'il faudrait sérieusement envisager la possibilité que cette crainte ait été largement liée à la traite des esclaves, en particulier au 9e et 10e siècle, époque où le rôle des juifs dans cette traite semble avoir été prépondérant. Pendant cette période, les marchands juifs des villes de la vallée du Rhône, Verdun, Lyon, Arles et Narbonne, en plus d'Aquisgrana, la capitale de l'Empire à l'époque de Louis le Pieux, et en Allemagne des centres de la vallée du Rhin, de Worms, Magonza, Magdebourg, en Bavière et en Bohême, de Ratisbonne et de Prague, étaient présents sur les principaux marchés où ils vendaient des esclaves, femmes, hommes, eunuques, dont la plupart avaient été kidnappés dans leur propre maison. Cette marchandise humaine, ce bétail goy, ça c'est moi, était exportée depuis l'Europe chrétienne vers les pays islamiques d'Espagne où se tenait un marché très animé. La castration de ces esclaves, en particulier des enfants, augmentaient leur prix et étaient sans conteste une pratique lucrative et rentable. On apprend des choses, on apprend beaucoup de choses. J'ai une autre source qui veut nous en dire plus sur tout cela. Le grand rabbin néophyte, converti au christianisme et devenu moine, publia en 1803 en langue moldave le volume « Le sang chrétien dans les rites israélites de la synagogue moderne ». Ce livre a été ensuite traduit en grec en 1843 et en italien en 1833. À la page 19, Néophyte écrit « Ce terrible secret n'est pas connu de tous les juifs, mais seulement des chakam, docteurs en Israël, et des rabbins, qui porte le titre de conservateur du mystère du sang. Ceux-ci le communiquent verbalement aux pères de famille et ceux-ci, à leur tour, confient le secret à celui de leur fils qui leur semble le plus digne de confiance, tout en y ajoutant des menaces épouvantables contre celui qui le trahirait. Néophyte relate ensuite, là je cite ce juif converti au christianisme, « Lorsque j'eus 13 ans, mon père me prit à part dans une chambre obscure, et après avoir représenté la haine contre les chrétiens comme étant une chose agréable à Yahvé, il me dit que notre Dieu nous avait ordonné de répandre le sang chrétien et de le préserver pour un usage rituel. « Mon fils, dit-il en m'embrassant, Maintenant que tu es en possession de ce secret, tu es devenu mon plus intime confident, vraiment un autre moi-même. » Puis il plaça une couronne sur ma tête et me donna des explications concernant le mystère du sang, jadis révélé aux Hébreux par Yahvé. Dorénavant, je serai le dépositaire du plus important secret de la religion israélite. Des imprécations et des menaces terribles furent proférées contre moi si jamais je révélais ce secret à ma mère, mes frères, mes sœurs ou ma future épouse. Je ne devais le communiquer qu'à celui de mes fils qui serait le plus apte à le conserver. Ainsi, le secret passerait de père en fils à travers les générations jusqu'au siècle à venir. On peut citer toute une série de faits de cette nature dans différents pays à travers le Moyen-Âge. 1071, à Blois. Une citation, Monument Historica Germaniae. Scriptorum, volume 6, page 500. Un enfant est crucifié puis jeté dans le fleuve. Le comte Théobald fait brûler les juifs coupables. 1114, à Norwich, en Angleterre. Je ne donne pas la source, elle est trouvable. Guillaume, enfant de 12 ans, est attiré dans une maison juive où il est crucifié parmi 1000 outrages le jour de Pâques. Et afin de mieux représenter Jésus-Christ sur la croix, il fut blessé aux côtés. 1160, à Gloucester, toujours en Angleterre, les Juifs crucifièrent un enfant. 1179, à Paris, l'enfant Richard a été immolé au château de Pontoise le jeudi saint, et il est honoré comme saint, d'ailleurs à Paris traditionnellement, plus de nos jours à mon avis. 1180, toujours à Paris, Saint Robert, enfant, est tué par les Juifs vers les fêtes de Pâques. 1182, les Juifs à Pontoise crucifient un garçon de 12 ans à Saragosse. Il arrive la même chose à Dominique Delval, etc., etc. Alors, nous avons une liste incroyable, incroyable d'enfants traqués par les Juifs, attirés dans les maisons en secret le jour de célébration qui ne sont pas ouverts à toute la communauté juive, mais uniquement aux prêtres, aux rabbins et à quelques personnes choisies au sein de la communauté où se pratiquent des rites occultes. Et là, je vais donner la parole à ceux qui... Déric, j'ai envie de t'entendre là. Déric. Oui. Je pourrais citer encore toute une série invraisemblable de cas de cette nature. Ceux qui ont l'oreille m'ont déjà souvent entendu évoquer les petites peines de Pessah, hein, n'est-ce pas? Pain de Pessah. Oui, les peines de la Pâque juive. C'est les petits pains avec le sang des goïms dans des bébés, des bébés goïs. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure dans le précédent commentaire évoquant le martyr de Saint-Simon de Trente. Hein, Saint-Simon de Trente, martyr des Juifs, il faut toujours... ça va avec. Hein. Permets-moi de couper, mais simplement pour qu'ensuite tu reprennes mieux. 1285, à Munich, la source est Radero Bavaria Sancta, tome numéro 2, page 331, Monum 17, 415. Un enfant est saigné, son sang sert de remède aux Juifs, le peuple brûle la maison où les Juifs s'étaient réfugiés. Oui, bon, c'est un petit peu dommage pour la maison, quand même, mais bon, qu'il n'avait rien. Non, mais c'est simplement que si vous intéressez à ça, vous découvrez que c'est partout. À Turin, 1457, un juif est pris à l'instant même où il va égorger un enfant. C'est très nombreux. Dès qu'arrive Pâques, maintenant, ils font ça de manière plus discrète. Ils vont se servir sûrement en Europe de l'Est ou directement. Est-ce que ça ne pose pas la question, peut-être, et ça fait le lien, je pense, avec ce qui se trame au Maroc et les réseaux avec certaines têtes très connues comme Jack Lang qui se livre à un commerce indicible en Afrique du Nord, mais en passant par l'Europe. Est-ce que tout ça n'est pas la même chose? Est-ce qu'il y a du sang qui coule, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a toujours ce besoin de chair, hein, de souiller l'égoïme, hein, de souiller l'égoïme pour pratiquer sa magie inavouable. Il y a la fameuse vidéo de Roger Olindre qui accuse publiquement Jack Lang et il dit « Arrêtez-moi à la sortie de la réunion si jamais ce que je dis est faux » et il dit que Jack Lang était impliqué dans une histoire avec un enfant qui aurait été décapité et dont la tête aurait été mise dans un seau rempli de merde. 1401, à Dieshofen, dans le Württemberg. La source, c'est l'histoire, une histoire rédigée par Albert de Simon Abiki, d'après les Boland, volume numéro 2 d'avril. Un enfant de 4 ans est acheté pour 3 florins et saigné par les juifs. Il faut noter que dans le procès fait pour cet assassin, le juif accusé confessa, je cite, que tous les 7 ans, les juifs ont besoin de sang chrétien. Un autre révéla que le chrétien assassiné devait avoir moins de 13 ans. Un troisième dira qu'il se servait de ce sang dans la Pâque, qu'ils en faisaient sécher une partie pour le réduire en poudre et qu'ils s'en servaient pour les rites religieux. Il est remarquable que les mêmes confessions et révélations aient été faites par des juifs à plusieurs époques et à plusieurs siècles de distance et dans des pays très éloignés, à Trente, en Moldavie, en Suisse, au XIVe siècle et au XVIIIe siècle, comme il a été cité par avant. Encore un cas. En Thuringe, en 1410, les juifs sont chassés à cause de crimes contre les enfants chrétiens. En 1420, à Ravensburg, Louis von Bruck, jeune chrétien, est sacrifié par des juifs alors qu'il les servait à table entre la Pâque et la Pentecôte. Son corps est retrouvé honoré par les chrétiens. Son corps est retrouvé puis ensuite honoré par les chrétiens. En 1454, en Castille, un enfant est coupé en morceaux et son cœur cuit comme nourriture à l'initiative des juifs. Donnons des exemples peut-être plus récents. Ça peut être intéressant. Oui. 1955, à Chicago, John Schussler et son petit frère Anton sont retrouvés le corps tailladé et perforé. Même chose pour Robert Peterson, 11 ans, ainsi que pour Patricia Grimes, 15 ans, et sa petite sœur Barbara, 12 ans. Tous les cinq ont été entièrement vidés de leur sang. La puissante communauté juive de Chicago tentera d'étouffer l'affaire, car, bien évidemment, le meurtrier est juif. Chicago, oui. 1955. Oui, il y a une fameuse histoire aussi, là, en 1840. C'est un prêtre, dont c'est à Damas, en Syrie, mais les juifs avaient le droit de vivre... sans doute dans des quartiers à part, mais ils avaient le droit de vivre à Damas à l'époque. Et il y a un père chrétien qui a été assassiné par des juifs. Alors, j'ai dit à Damas, le célèbre procès sur l'assassinat du père Thomas de Calangiano, par Capucin, et de son serviteur chrétien tué par les juifs dans un but rituel. Les juifs furent convaincus et condamnés, mais ils furent ensuite graciés à cause de l'argent, bon, ce qui est affirmé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un monsieur qui en a fait un livre, hein, qui s'appelle L'Azim de Sion. Et qui a écrit ce livre? C'est un Syrien, mais pas n'importe quel Syrien, c'est un général de l'armée syrienne sous Hafez el-Assad et sous son fils Bachar el-Assad. Ah. Donc, ce monsieur s'appelle Mustafa Tlas, et donc il y a son livre est disponible, L'Azim de Sion, je répète. Alors, un tout petit extrait de son introduction, si vous permettez. Alors, il dit, voilà la cinquième édition, donc il y en a plusieurs, hein, donc cinquième édition de l'Azim de Sion. Qu'il me soit permis, à la faveur de cette circonstance, de répondre à la polémique suscitée par la publication de cet ouvrage. Alors, donc, il dit qu'il a été l'objet de menaces, etc., et qu'au départ, les menaces étaient faibles. Et alors, attends, dit, oui, je t'interroge, simplement un truc. On est d'accord que cet homme-là vit en Syrie sous le père... Enfin, sous Hafez el-Assad et Bachar el-Assad. Hein. C'est quelqu'un qui est contemporain, en quelque sorte. Oui, quelqu'un qui est général de l'armée. Alors, donc, en Syrie. Syrie. Mustafa Tlas est décédé l'an dernier. D'accord, mais il dit, je suis en Syrie sous Hafez el-Assad et Bachar el-Assad, mais je suis menacé. Oui, c'est ça. Et donc, je vais donner un exemple. Donc, il dit, à l'époque de la première édition de cet ouvrage, qui était donc réédité à l'époque, deux ou trois journaux évoquèrent l'affaire. Aujourd'hui, la presse internationale européenne et américaine la plus avertie en révèle la portée, reléguant au second plan les sujets d'actualité les plus brûlants. À l'époque, c'était la police, l'enquêteur Mohamed Ali et son fils Ibrahim, Wali de Damas, qui avaient pris l'affaire en main. Aujourd'hui, ce sont le centre Simon Wiesenthal, le Front d'Action Sioniste, la CIA, le Mossad, ainsi que les médias occidentaux d'obédience sioniste qui s'en chargent. Menaçante, la presse israélienne le rappelle, ainsi que la Syrie, que les avions israéliens entreront en action le jour où je deviendrai leader dans mon pays. Quant au front d'action sioniste, il me menace de mort au cas où je soutiendrai à Paris ma thèse de doctorat en sciences politiques niveau polémologie. Donc, il y avait le projet aussi de défendre ça sur le plan universitaire à l'international. C'est intéressant, je trouve. Pour le moins. Et si je peux me permettre de citer la fin de son introduction... Il dit « L'histoire ne pardonne à personne. En effet, l'assassinat du père Capucin Thomas, donc qui a été dans ce cadre à l'époque de Pessa, etc., est identique à l'assassinat du jeune garçon de Prague et à tous les autres d'Europe ou d'Asie. » Donc là, il fait allusion à ces crimes rituels. « Nous évoquerons ces crimes plus tard dans un livre à part. » Donc il a écrit effectivement un livre à part qui s'appelle « Cantique », je crois, « où nous éveillerons la conscience de l'Europe et de l'Amérique. » L'objectif de ce livre sera de prouver que le judaïsme, bien que religion divine, a des adeptes avides de sang. À mon avis, le judaïsme renie ses orgueilleux assassins et terroristes, etc. Et puis ça finit avec une phrase « La peur, ô lâche, est indigne de nous, car elle est, comme le dit le maître du siècle et des générations à venir, Hafez al-Assad, une arme supplémentaire fournie à l'ennemi. » Nous ne fournirons jamais cette arme à l'ennemi, donc l'arme de la lâcheté. Et c'est signé donc de M. Général Mustafa Atlas, Damas, le 8 mai 1987. C'est une phrase très profonde, très profonde. C'est très intéressant. Et encore une fois, contrairement à ce que nous disent les juifs, c'est bien le juif qui crée l'antisémite, et non l'inverse. C'est certain. Ben oui, sauf à supposer que ce soit les êtres humains, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les goïms, qui les forcent à saigner des bébés goïs. Bon, la ficelle est un peu grosse. J'ai sous les yeux ici un autre document, un autre livre qui est apparu il y a peu de temps. Il y a quand même une chose sur laquelle il faut insister, je crois. C'est que les sacrifices d'enfants par les juifs, ce sont des enfants chrétiens. Moi, je ne trouve pas, je ne suis pas un spécialiste, mais je ne vois pas d'autres sacrifices effectués sur des enfants qui ne sont pas chrétiens. Non, c'est récurrent. Non, c'est très important puisque c'est lié à la Pâque. Pourquoi la Pâque ? C'est parce que la Pâque, il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. Et pour les juifs, la Pâque chrétienne est considérée comme une anti-Pâque, à juste raison d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est le moment où le Christ rentre dans Jérusalem, célébré comme un roi, et où en fait il sera couronné par les juifs via les Shabbat Goïm de l'époque, c'est-à-dire leur serviteurs, qui étaient les Romains, le couronneront d'une couronne d'épines avant de le crucifier. Donc c'est la négation de la royauté telle qu'elle est conçue par les juifs, en quelque sorte. Donc pour eux, le moment de Pâques est extrêmement important, puisque c'est le Christ a lancé le plus grand défi aux juifs qui ne leur a jamais été fait. Donc pour eux, c'est très important de faire verser l'enfant, le sang d'un enfant chrétien, pour ceux qui sont versés dans ces pratiques ésotériques, parce qu'attention, c'est pas répandu partout, faut pas raconter n'importe quoi, mais dans certains cercles ésotériques, juifs, très particuliers, versés dans ce type de choses-là, c'est quelque chose qui est parfaitement admis. Donc, et justement, c'est la démonstration de ce qu'on dit, c'est-à-dire que vous avez, à toutes les époques, dans tous les pays, des affaires qui sortent, et ça s'étend sur 1000 ans, et plus de 1000 ans. Ça se passe en Angleterre, ça se passe en Allemagne, ça se passe en Italie, ça se passe en Espagne, ça se passe aux États-Unis, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, à l'époque contemporaine. Alors, certains disent, mais non, c'est ce qu'on dit les juifs, c'est ce qu'on dit aussi... beaucoup d'ennemis de l'Église, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui étaient des athées ou des démocrates ou des francs-maçons, des libres-penseurs, ont voulu combattre l'Église catholique et ont voulu tourner en dérision ces accusations, en disant « mais non, il n'y a aucun fondement là-dessus, mais soyons sérieux, il ne peut pas y avoir autant d'affaires dans autant de pays, à une époque où il n'y a pas de question religieuse qui soit si intense qu'il faille discréditer les juifs, qui surgissent comme ça, surtout que on voit bien, comme ça se passe à Munich, ça se passe dans des quartiers pauvres, on voit, c'est une maison des juifs se réfugient après avoir été surpris. Donc il n'y a pas de raison de monter ce genre d'affaires en épingle. D'ailleurs, on voit que, c'est assez frappant, quand on lit la littérature à ce sujet-là, on voit que les autorités ont plutôt tendance à essayer de d'étouffer les affaires, hein, d'essayer de calmer les choses, en disant oui, peut-être, mais on n'est pas trop sûr, etc. Parfois, un prince a une main de fer complète et décide d'appliquer la justice pleine et entière. Mais très souvent, on voit que les autorités, à commencer par les autorités catholiques d'ailleurs, essayent de lisser les choses. On ouvre des enquêtes, des contre-enquêtes. La preuve, hein, c'est ce qu'on a commencé là-dessus avec un exemple qu'avait donné donc le docteur Toaf, d'origine juive, on le répétera jamais assez, qui cite le pape qui demande une contre-enquête. Hein, le pape Sixte VI, qui dit il faut une contre-enquête, il faut quand même une contre-expertise, on n'est pas bien sûr. Hein, et puis la contre-expertise dit, ben si, c'est accablant, le dossier est... Le dossier est vraiment trop lourd, on ne peut pas le nier, quoi. Bon. Donc, comment dire, il y a là quelque chose de très important, et ce qui révèle la pertinence de tous les travaux qui ont été menés sur les questions relatives aux crimes rituels juifs perpétrés avec des sacrifices humains aux dépens d'enfants chrétiens, c'est l'extrême virulence des juifs quand on pose cette question. Vous n'avez jamais remarqué ça? Faites-en l'expérience, je vous assure, c'est absolument frappant. Mais d'ailleurs, je crois que Ariel Toaf, malgré le fait qu'il soit juif et fils de rabbin, est historien très sérieux, encore une fois, c'est du travail d'historien pur. C'est un travail érudit, sourcé. Son livre s'appelle d'ailleurs, pour ceux qui veulent le chercher, c'est Pâques de sang, me semble-t-il. Pâques sanglante, Pâques de sang. Tout à fait. On peut le trouver en français. Pas dans son intégralité, mais on peut encore le trouver. A eu beaucoup de problèmes, je crois. Hein, malgré le fait que ce soit un membre. Bah, c'est simple. C'est simple. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as raison de le dire. Cet homme-là, qui est le petit-fils du rabbin de Rome, poste prestigieux. Pourquoi? Parce qu'il il se tient face au pape, à Rome, fatalement. Enfin, voilà, face à l'époque. Hein. Oui, non, bien sûr, plus maintenant. Mais à l'époque, la synagogue tirait beaucoup d'orgueil de cette position, de pouvoir placer un rabbin face au pape, dans sa ville de Rome. Dorénavant, il n'est plus en face, il est au Vatican. Les choses ont changé, effectivement. Mais donc Toaf, c'est le fils de cette personne-là qui est éminente au plan du judaïsme. Ensuite, c'est quelqu'un qui a des titres universitaires. C'est pas quelqu'un qui a écrit comme ça une histoire lui passant par la tête. C'est quelqu'un qui a fait preuve de sa rigueur universitaire, disons. Et puis c'est quelqu'un qui exerce en Israël. Donc c'est quelqu'un, je crois, parce que bon, hein, comme dans toutes les nations, dans tous les peuples, il y a des gens qui sont comme ça, des gens curieux, qui veulent aller au fond des choses, hein, voilà, son parti pris, et qui veulent creuser, et qui trouvent des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Quand il a sorti son ouvrage, ça a été une protestation universelle dans la juiverie internationale. Mais partout. Les juifs les plus éminents ont tonné, exigeant, ils n'ont pas dit « cet ouvrage est faux », on va le démontrer. Ils ont dit, cet ouvrage doit quitter les étals. Il ne doit plus être disponible nulle part. Notez bien, ils n'ont pas dit, on va le contester sur le fond. Et notre frère en religion et de race a perdu la raison. Ils ont dit, ce livre ne doit pas figurer dans le commerce. Et on a vu la juiverie américaine, la juiverie française, toute la juiverie se mobiliser contre lui. Il a reçu des menaces extrêmement graves. Alors, si c'était une histoire grotesque, pourquoi menacer quelqu'un comme ça? C'est comme si moi, j'allais raconter, je ne sais pas, que le pape était doué du don de lévitation et que tous les dimanches, on pouvait le voir léviter sur la place de Saint-Pierre de Rome. Bon, il suffirait d'aller voir et on serait vite fixé. Or, eux, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit, allez voir, vous allez voir que ça ne tient pas la route. Ils ont dit, non. Ils ont dit, ce livre ne doit pas être accessible au goyim. Et ils l'ont menacé, et il l'a retiré. Il l'a retiré des ventes. C'est quand même un fait extraordinaire. Oui, parfois, il ne faut pas dire trop de vérité, comme l'histoire de la Torah du roi, là, qui était un livre qui était paru par le rabbin Ben Yosef, je crois, où là, il disait clairement dans un livre paris en Israël, que les goyim n'étaient que des esclaves qu'il fallait. Donc là, c'était un petit peu trop visible, donc ça avait fait du... Bah, c'est tu veux le grand rabbin Sépharade, mais c'est ça. Voilà. Voilà, ouais, c'était fait par le fils du grand rabbin Sépharade, qui, enfin, de l'ancien, on va dire Yosef, et frère de celui qui est en place actuellement, qui est aussi fils de Vadia Yosef. Mais le grand rabbin Sépharade d'Israël dit sur tous les tons que les goyim doivent servir les juifs. Ah oui, bien sûr. C'est pas un secret, c'est pas, il y a pas un quiproquo, il le proclame, il dit voilà. Et alors quand, du coup il y a des gens qui réagissent un peu, disent mais comment ça votre rabbin dit des choses comme ça, il les envoie chier. Il dit mais non, oui. Mais c'est écrit dans nos textes religieux, c'est tout, c'est comme ça, les goïms doivent nous servir, c'est tout, c'est voilà, c'est une vérité de foi, c'est tout, c'est comme ça. Oui, il y a l'anecdote rapidement. Une personne que je connais qui est à Thèse de l'air, qui faisait le chemin entre Tel Aviv et puis New York. Donc évidemment, vous doutez un petit peu de la faune locale, la clientèle, et donc des clients. J'imagine l'odeur. Aller à droite, à gauche, etc. Aller me chercher du thé, de l'eau. Il fallait faire des allers-retours pour les servir précisément. Et à la fin du vol, un des Israéliens ou assimilé comme tel lui a dit. J'aimerais bien vous avoir comme esclave. J'avais lu lorsque le livre de Toav, l'écrivain, est sorti, là, hein, l'historien, que son père ou son grand-père, tu as dit que c'était son grand-père, je crois, hein, oui, je crois, oui. Qui était le rabbin, le grand rabbin, à Rome, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Oui, j'avais lu. J'avais lu que ce rabbin s'était converti au catholicisme par reconnaissance à l'égard de Pie XII pour la position. Oui, oui, la grande faiblesse effectivement de Pie XII. Oui. Ouais, voilà. Bon, voilà, c'était pour rappeler ça à titre anecdotique. Par ailleurs. Tu es parti des textes de Israël Shamir. Il faut savoir aussi, je ne pense pas que tu l'aies cité, Israël Shamir s'est converti à la chrétienté, à l'orthodoxie, et a pris le nom de Israël Adam Shamir pour que cela cela reste marqué à travers ses écrits. Quoi. Tout à fait. Alors je cite un autre Israël qui est un jeune homme qui vivait au XVIe siècle. Ses propos sont rapportés par Toav dans son livre. Il était clair que la Torah et des règlements rabbiniques ultérieurs présupposaient deux codes moraux différents, l'un s'appliquant au monde juif et l'autre au monde chrétien environnant, qui étaient différents et souvent hostiles et menaçants. Par conséquent, ce qui était interdit entre juifs n'était pas nécessairement interdit dans les relations entre juifs et chrétiens. Par exemple, la norme biblique qui interdisait l'usure entre deux frères, donc il cite le Deutéronome 23-21, « Tu pourras exiger un intérêt de l'étranger, mais pas de ton frère », fut interprétée comme concernant exclusivement les relations entre juifs, tandis que les prêts usuraires aux chrétiens étaient automatiquement autorisés, au point de faire l'objet de pratiques universelles. Bien sûr, bien sûr. Ceci dit... je vous conseille éventuellement le livre de Samuel Roth, qui fut un des principaux personnages qui permit l'avènement de la pornographie telle qu'on la connaît aujourd'hui, tout simplement en faisant de la pornographie à l'époque qui était littéraire et on va dire iconographique. Quoi. Ce Samuel Roth, donc juif, trompé de nombreuses reprises par des juifs en affaires, avait écrit un bouquin dans les années 1930, qu'il tenta bien sûr de répudier par la suite, qui dénonçait tous les travers justement des juifs, notamment ce dont on vient de parler. Ça s'appelle « Jews must live ». Les juifs doivent vivre ou quitter. Oui. C'est ça, vivre ou mourir, mais « Jews must live ». Non mais « live », c'est comment c'est, ils doivent vivre ou ils doivent se barrer en fait? Ah, vivre, mais en fait ça s'appelle « Jews must live », donc « vivre ». Les Juifs doivent vivre. An account of the persecution of the world by Israel on all the frontiers of civilization. Donc en gros, les Juifs doivent vivre. Compte rendu de la persécution dans le monde par Israël sur tous les pans de la civilisation. Il y a autre chose, moi, qui me frappe lorsque nous compulse les listes des crimes rituels qui ont été relevés et qui sont concrets. Le dernier que moi je relève remonte, bon, outre celui que tu as cité tout à l'heure, Gandalf, en 55, je crois, je vois que le dernier remonte à 1899. Mais c'est relativement courant, parce que c'est 1899, 1891, 1890, 85, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas véritablement rare. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que ça s'arrête à ce moment-là. Parce que, quelques années plus tard, en 1914, arrive le premier conflit mondial. Et comme vous le savez, 20 ou 22 ans plus tard, arrive le second conflit mondial. En moins de 50 ans, il y a deux guerres planétaires qui vont chambouler la planète. Et qui permettent, et ça, on le sait, pour d'autres raisons et d'autres constats, que la juiverie s'est infiltrée un peu partout sur la planète, principalement dans le monde occidental, dans les coulisses du pouvoir politique, économique, financier, tout ce que vous voulez. Et ce qui explique peut-être pourquoi cette chronologie des rituels s'arrête à la fin du 19e siècle. C'est une supposition, simplement. Oui, je vois ce que tu veux dire, bien sûr. C'est qu'effectivement, depuis que les Juifs se sont emparés du contrôle total des médias en Occident, ces affaires ont tendance à ne plus être relayées. Mais je m'en voudrais de ne pas citer d'autres affaires pour revenir au Moyen-Âge. 1669, à Metz. Un enfant de 3 ans, volé par le Juif Raphaël Lévy, est cruellement assassiné. Son cadavre fut retrouvé horriblement mutilé. Le coupable fut brûlé vif par sentence du Parlement de Metz le 16 juin 1670. C'était à une époque où le pouvoir politique défendait le peuple contre les menées des Juifs. Aujourd'hui, les Juifs contrôle la totalité des pouvoirs en Occident, à commencer par la France. Et on le voit tous les jours. Et qu'est-ce qu'ils permettent? Il vous suffit de regarder, et ça fait le lien avec le début de l'émission. Les viols contre des jeunes filles dans les transports en commun qui ne sont pas sanctionnés. Les exactions les plus diverses. La propagande toujours plus intensive contre les bonnes mœurs, comme on dit, hein, la volonté de détruire la société. C'est depuis que les Juifs se sont emparés du pouvoir politique, médiatique, en France, pour ne pas parler de la finance, le pays va à volo. Et c'est vrai, évidemment, en Belgique, et c'est vrai en Allemagne, et c'est vrai dans tous les pays où les Juifs contrôlent tout. Donc, c'est une vieille histoire. Qu'est-ce que traduisent ces meurtres rituels? C'est une haine sourde, une haine extrêmement ancienne, qui a besoin de s'alimenter régulièrement par des rituels de vengeance. Hein, c'est expliqué, hein, on l'a dit. Hein, c'est se venger des goïms. Il faut se venger de ces gens. Et par cette propagande pourrie qui consiste à remplacer le christianisme aujourd'hui dans la logorée par le judéo-christianisme pour fausser et tromper encore plus. Exact. Et même par la religion fausse de l'Holocauste, qui ne pouvait par évidence qu'être un mensonge. Par évidence, évidemment que le juif, se voyant donner l'opportunité de créer une grande religion qui lui permettrait de mettre la main sur les affaires du monde, cette religion ne pourrait être bâtie, puisque, le juif est le fils du père du mensonge, c'est-à-dire de Satan, ne pouvait bâtir sa religion que sur un mensonge. Son pouvoir ne peut pas reposer sur la vérité, ça doit être sur un mensonge. Et il faut que ce soit un mensonge énorme. Le mensonge et le sang, hein, c'est ce qui caractérise ces juifs, si tu veux. Hein. Ça peut peut-être faire la transition à le sujet d'après, mais... Oui, oui, oui. Les utilisations, par exemple, des flashballs et compagnie là, contre les manifestants jaunes, les gens qui se font défigurer, ou qui perdent des yeux, je suis d'accord du sang partout, avec ça. Tu vois, c'est, je pense que certaines personnes ont la bave aux lèvres quand tu vois ça, ça leur rappelle l'appétit qu'avaient leurs ancêtres il y a quelques siècles, et voilà, ils veulent voir le sang des goïms couler. C'est dans leur nature. Alors moi je suis tant, alors tu vois là vraiment du plus profond de mon âme, je veux dire à quel point là tu vois juste. Voilà, c'est tu as mis le doigt sur le truc. C'est ce que j'ai regardez j'ai le visage de ces gens, regardez le visage de Bernard-Henri Lévy, regardez oui. Le visage de Maurice Safran. Regardez comme ça se tord. L'appétit, ces gens ont l'appétit du sang. Voilà, ils sont en manque, comme un camé qui n'a pas eu sa dose d'héroïne. C'est la même chose. Et regardez le visage de la youpin hystérique Elisabeth Lévy, qui effectivement fraye en ce moment avec ce qu'on peut appeler la droite nationaliste. Non, oula. La droite en juivet. Oui, la droite en juivet qui se prétend nationaliste. Disons plutôt ça comme ça. Elle juit littéralement lorsque le CRS frappe le goïm. C'est ça, ouais. Et ça, là, Derek a mis le doigt sur quelque chose d'absolument essentiel, parce que si vous êtes un président français, ok, à la place de Macron, vous êtes français, vous êtes un président français. C'est impossible, si vous voulez, que vous vouliez écraser votre propre peuple. Par la force, j'entends. Un président français en France, vous comprenez, avec tout ce que ça suppose, quoi. C'est pas possible, parce que vous, pourquoi vous êtes là? Vous voulez faire en sorte que le pays s'en sorte. Pardonnez-moi la lourdeur du style, mais c'est ça quand même. Vous ne pouvez pas retirer de plaisir particulier à taper sur votre propre peuple. Or là, et c'est pas juste de la répression, je veux dire, c'est pas juste de la répression. Et c'est pas de la répression s'il y avait des éclats de violence dans tel ou tel endroit, etc. Et bon, il faut envoyer des flics, on les envoie. Ça explique la disproportion. Ouais, c'est ça. Il y a une mise en scène et il y a une recherche. Il y a une recherche de violence. On le voit par les consignes qui sont données aux policiers, qui ont clairement des consignes d'escalade. Les médias aussi, les porte-paroles, les commentateurs juifs extrêmement nombreux qui sont là comme des charognards. Macron qui se livre à ces provocations, etc. Tout ça trahit un bruit hébraïque. C'est très clair. Selon le juif, le goy n'a que deux options. Il a le choix d'être humilié. Humilié en payant les intérêts de sa dette, c'est l'esclavage financier, hein, voilà. Donc, oui, l'esclavage, lui, il se sert, et puis, alors, ça le fait marrer que l'impôt du goy serve à l'élevage dont on a parlé tout à l'heure, l'élevage des nègres, hein, voilà, ça le fait marrer que les blancs, les chrétiens, chrétiens. On entend le rire de Yannick derrière, c'est con là, ils sont en train de faire un élevage de nègres parce qu'on leur a dit que non mais c'est tout est pareil parce que Shoah, tu vois, et là, ils sont très contents. La propagande homosexuelle, bien entendu, la propagande du métissage, la pédophile qui est en train d'arriver, hein, on baisse petit à petit. On baisse, c'est aussi pour des besoins, effectivement, de chair fraîche de leur côté. Oui, effectivement. Donc, voilà, pour que les enfants se fassent humilier, hein, on voit à New York, hein, le temple, un des grands temples juifs, hein, New York. Tu as des gamins là qui sont drag queens, et j'ai vu là qui vont faire des des spectacles avec des bars, des trucs absolument ignobles. Et là, des go-go danseuses. Voilà. Et là, mais avec des enfants. On en avait parlé il y a quelques semaines, effectivement, une gamine de 10 ans. Et là, ils l'ont pris en photo avec un autre drag queen, donc un autre travelot à poil. Voilà, tout va bien. Bon, nous y sommes, voilà, bon, d'accord. Okay. Donc voilà, les goy, donc humiliés. Alors, et si le goy, quand il veut pas trop être humilié ou un peu moins, ben le sang. Voilà, c'est l'humiliation, voilà, ou le sang. Voilà, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça c'est, la pince juive, la pince. Oh la vache. Ah non, mais ce peuple doit retourner à son état original. L'état oui. Aussi du sacrifice, hein, voilà, c'est Abraham, etc. C'est pas du tout étonnant. Sorcellerie quoi, juive. Sorcellerie juive, oui, nous y c'est sommes. C'est le peuple du sacrifice ainsi que de l'inceste. Je vous rappelle le passage des filles de Lot qui le font boire, en fait, pour enfanter avec lui. Oui. C'est l'Ancien Testament, quoi. Je veux dire, quand vous comparez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a clairement pas photo. Quand j'entends les gens dire oui, les Juifs, les chrétiens, c'est la même chose, la Bible, vous avez les deux trucs à l'intérieur, machin. Non, ferme ta gueule. Quand tu comprends pas ce que c'est judaïsme et christianisme, certes, les premiers chrétiens étaient des Juifs, c'est historique, c'est factuel, ok, d'accord. Mais ce qu'ils ont fait, c'est ils ont tout fait pour se séparer. Tant spirituellement que physiquement de ces gens-là, quoi, des gens dont ils étaient issus pour de multiples raisons. Enfin, ça ne s'invente pas quand même. L'inceste dans nos sociétés n'est pas autorisé pour des raisons qui me semblent évidentes. Les relations consanguines non plus. Et pourtant, on nous traite, nous, Européens, toujours d'être des consanguins, des dégénérés et compagnie, mais quand tu t'intéresses de près à la littérature juive, l'inceste est un des sujets qui revient le plus dans la littérature juive. Ces gens-là sont profondément malades. Et de toute façon, la société juive ne le cache pas, elle est endogame. Elle ne se mélange pas avec les autres, elle est hermétique. Alors il y a aussi un simplement pour appeler vraiment attirer l'attention de nos auditeurs sur cette question, c'est est-ce que vous avez vu, ok, il y a un mécontentement en France, d'accord, bon, vous voyez, le sang est versé, on en a parlé, est-ce que vous voyez quelque chose d'équivalent en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Angleterre, en Suède, etc., indépendamment de tous les problèmes qui existent, non? Est-ce que vous voyez une attitude similaire de la presse, c'est-à-dire la presse qui n'en parle pas, et on sait qui contrôle la presse en France, mais elle n'en parle pas, c'est comme oui, vaguement, parce qu'ils ne peuvent pas non plus totalement cacher, mais c'est vraiment le minimum syndical, mais il y a même des appels à la répression, il y a même des appels ouverts, voilà. Donc moi c'est ça que je veux dire, il n'y a pas quelque chose d'anormal là-dedans, dans le fait qu'il y a un appel au sang, plus ou moins revendiqué, oui, qu'on trouve dans les médias ou ailleurs, et bah, moi, je vais opérer le lien. C'est parce que la France a la plus grande communauté juive d'Europe et que, autre hasard, dans la communauté journalistique, entre guillemets, la concentration des juifs en France est absolument exorbitante. Ce n'est pas du tout un hasard. Les gens qui sont là en train de faire mine, de s'étonner, mais comment se fait-il que la presse française ne parle pas des violents? Moi, je vois les gauchistes, là, le Média, etc., les Mélenchonistes, ils sont là, mais comment se fait-il, les médias français, ils parlent pas... Acrimed, là, ils disent, on ne sait pas, il y a un traitement déséquilibré. Mais attendez, mais bande de cons, il n'y a pas de mystère. Les juifs contrôlent la presse, eux, ils veulent que le sang des goïms coule. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Mais ces gens sont trop lâches pour nommer le juif, pour désigner le juif. C'est tout, c'est il faut pas, oui, faut pas chercher. Oui, c'est-à-dire que le juif fait grand bruit de l'anus magique de Théo Laka, qui voilà. Prétendument aurait été violé par une matraque, alors que bon, en réalité, ça a été avéré que ce n'était pas le cas. Le président de la République est allé au chevet du nègre, hein, de son fion. À l'époque, tu avais eu Emmanuel Macron qui a encensé le nègre martyr, et sa famille, le martyr, l'anus martyr, l'anus martyr, l'anus magique martyr, et qui se plaignait de la répression trop forte de la police mettait en péril la communauté nationale, etc., etc. Bon, cette sale petite fiotte, hein, maintenant, il fait ce qu'on lui dit, il envoie se faire massacrer, il envoie ses troupes massacrer les goy, hein, pour lui, mais pas que, hein, mais pas que. Je pense que juste cette comparaison entre les deux, moi je crois, elle est décisive, voilà. Alors, je ne sais pas, parce que certains gauchistes disent que maintenant, grâce au mouvement des Gilets jaunes, les Français connaissent la situation des jeunes de banlieue. Ce qui n'a évidemment rien à voir, mais bon. Non, juste rien à voir. Les gens, c'est... Enfin, c'est... Bon, bref. Bref. Une minute, vas-y, réessaye. Oui, ça va là, comme ça ? Ouais. Oui. Oui, je reviens rapidement au procès de 30. Voilà ce que dit un juif impliqué, hein, qui a été questionné, qui a été soumis à la question. Donc, comme Israël Wolfgang l'a expliqué au juge de Trente à propos du sang humain, ne devait pas être extrait des corps des juifs. Les réponses rabbiniques ont été assez claires à cet égard, lorsqu'ils se sont empressés de souligner qu'il n'y a pas d'interdiction de profiter utilement des cadavres des gentils. Oui, vous avez aussi dans le livre dont je parlais tout à l'heure, L'asile de Sion du général syrien Mustapha Atlas, vous avez le procès verbal justement de l'assassinat du père capucin. Alors justement, les sacrifices, c'est avant tout les enfants chrétiens, mais ça peut être aussi, si c'est un religieux chrétien, ça marche aussi. Hein, donc, et le juif dit clairement qu'il a commis celui qui a égorgé avec des amis et sur ordre du rabbin, et que c'est dans leur rituel, et que c'est pour faire de l'azim, donc c'est pour faire les pains de Pâques, et que ça fait partie du rituel religieux. Non, mais il y a des rituels délirants chez les juifs. Hein. Alors, pareil, je ne fais que citer un juif. Une forme de cannibalisme magique liée à la circoncision peut être trouvée dans une coutume très répandue parmi les communautés juives askénazes et les communautés juives de la région méditerranéenne. Les femmes présentes à la cérémonie de circoncision, mais non encore bénies par la progéniture du sexe masculin, celles qui n'ont pas de garçon, quoi, attendaient avec impatience la découpe du prépuce de l'enfant. À ce moment-là, faisant fi de toute inhibition, comme sur un signal préétabli, les femmes se jetaient sur le morceau de chair sanglante. On prétend que la femme la plus chanceuse l'arrachait et l'avaler immédiatement, avant qu'elle ne puisse être la proie des autres femmes, non moins endurcies et tout aussi motivées. Pour le vainqueur triomphant, il ne faisait aucun doute que ce fier morceau serait infailliblement utile pour faire germer le membre viril tant convoité dans le ventre fécondé par une médecine bienfaisante. Donc en fait, le prépuce du bébé juif, c'est le bouquet de la mariée. Mais c'est délirant, ce peuple est délirant. Dire que ces démons ont établi leurs quartiers généraux au cœur du gouvernement français. Et pas seulement. Et pas seulement. Et ah ouais, bah la vue du sang, il y a la fameuse... il n'a pas été tué directement par des juifs, mais c'est Kadhafi, là, dont on a la... Quels que soient ses défauts par ailleurs, probablement, mais c'était quelqu'un qui était rebelle vis-à-vis de l'ordre mondial dont on sait par qui il est tenu. Et la manière dont il a été tué de façon avide, là on voit bien que certains aspects de l'islamisme et du judaïsme le plus sanglant se rejoignent. Quoi. Et puis même, ceux qui ne sont pas forcément du peuple. On voit que c'est la même culture archaïque, honnêtement, on voit que ça vient du même fond. Hein. Oui, puis les gens qui les fréquentent de près, qui leur sont totalement soumis, comme Hillary Clinton et autres, qui avaient fait sa fameuse intervention We came, we saw, and he died. Donc Kadhafi est mort après qu'on l'ait vu, en parodiant le proverbe romain, quoi. Nous sommes venus, nous avons vaincu, etc. Et c'était avec un rire satanique. On voyait bien que, d'ailleurs, il y a des histoires de satanisme autour de. On en a parlé déjà. Pizzagate. Autour des... Enfin bon, chers amis, je vous propose de nous séparer peut-être là-dessus, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Et de toute façon, ils n'ont pas... Je crois que leur avenir ne sera plus très longtemps brillant. Non, c'est la sensation que j'ai, c'est ce que je lis, parce qu'il y a de plus en plus de textes qui paraissent et qui leur prédisent un avenir difficile.